la bam bam bam bam. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. C'était le son de Niska, les amis, sur Radio Mix Floor. Tout de suite, c'est le best-of de Chantal, voilà, qui a été fait dans la libre antenne de Jojo. Donc, c'est un petit best-of. Vous pouvez évidemment retrouver tout ça sur la chaîne YouTube Alex Libre Antenne, sur Internet ou bien sur la page Facebook Radio Mix Floor. Tout de suite, écoutez-moi ça, les amis. Vous m'en dites vos nouvelles juste après le best-of de Chantal qui a été fait par Jojo. Il est très drôle. Allô ? Allô, oui, allô. Chantal. Est-ce que Chantal est là, s'il vous plaît ? Comment ? Allô, est-ce que Chantal est là, s'il vous plaît ? C'est important. J'ai besoin de parler à Chantal. Attendez. Ah, mais c'est, j'entends pas trop. Il y a trop de bruit derrière. Allô ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Oui, est-ce que Chantal est là ? J'ai besoin de parler à Chantal. C'est important. Chantal, elle n'est pas là. Bah, elle est où, Chantal ? J'ai besoin vraiment de la voir, là. C'est hyper important. Je suis avec la police et c'est vraiment... Oui, il faut passer Chantal. Passez-moi Chantal, s'il vous plaît. Chantal n'est pas chez moi. Bah, où elle est, Chantal ? Parce que moi, on m'a dit qu'elle était chez vous, alors... Non, elle n'est pas chez moi. Bah, ouais, bah, moi, on m'a dit qu'elle était chez vous. Je suis sûr qu'elle est chez vous. Je suis avec la police. Je suis passé dans son explore. Donc, moi, on m'a dit qu'elle était à l'apéro chez vous. Moi, on m'a dit qu'elle était à l'apéro chez vous, donc il faut me la passer, hein. Mais je vous dis qu'elle n'est pas chez moi, merde. Ah si, c'est important, s'il vous plaît. On m'a dit qu'elle était en train de boire l'apéro chez vous. Elle est pas chez moi, c'est tout. Bah si, on m'a dit qu'elle était chez vous. Moi j'ai la police avec moi. Qui vous a dit ça? Bah c'est mon tonton René qui m'a dit qu'elle était chez vous. Quel tonton René? Bah si, mon tonton René qui couche avec Chantal. Et quelle Chantal? Chantal, votre copine. Vous allez tous les jours marcher avec, passez-la moi s'il vous plaît. Parce qu'à la police, ils ont récupéré des trucs, donc c'est important. Où c'est Écoutez, qu'elle est Chantal là, je vous répète que Chantal n'est pas ici. Ça fait un bon mois que je ne l'ai pas vue. Oh, ça m'étonnerait, vous l'avez... Non, c'est faux. Foutez-moi la paix. C'est faux, elle était là chez vous hier, elle était là aujourd'hui chez vous. Hein? Non, elle était là hier chez vous, elle était là aujourd'hui chez vous aussi. Non, si. Si. Ben si, non. Si. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Ben si. Ben non. Bon, ben, elle est où alors? Mais j'en sais rien, elle est chez elle. Ah ben, j'ai pas compris. Elle est où? Mais je n'en sais rien. Ben, c'est bizarre, c'est votre copine et vous savez d'abord, pas. D'abord, quelle Chantal? Ben, Chantal, votre copine. Celle que vous buvez un petit coup à chaque fois au bar. Hein? Au bistrot du coin, vous buvez un petit coup avec. Quand vous allez faire votre marché. Comme son nom de famille. Ah ben, je vais pas vous dire son nom de famille comme ça, hein, madame. C'est Chantal, moi c'est Tata Chantal. Écoutez, Chantal, j'en connais plusieurs. Hein? Ah ben, moi c'est Tata Chantal. Qui est avec René. Alors, la paix. Hein? Hein? Au revoir. Au revoir. Hein? Radio Mixplore, un max de son. It's just a lover, yeah. Na na na na, ooh na na na. Enrique and baby Serena. Why wake till 6 a.m. Time to work. Yeah. Let me make you come again. Allez, les les amis, donc vous avez écouté le best-of de Chantal, j'espère que ça vous a fait rigoler. Donc c'était Jojo, voilà, ça a été fait dans la libre antenne d'Alex, ils arrivent dans quelques minutes. Et j'ai envie de vous proposer un petit best-of de pervers, voilà, donc ça par contre mettez un casque si vous êtes jeune. Je tiens vraiment vous le dire parce que voilà, notre ami Quentin, donc l'animateur dans la libre antenne, Charlotte, a chauffé un pervers les amis. Donc voilà, donc il était chaud, je ne sais plus trop son prénom, mais il était chaud, voilà. Je vous laisse écouter les amis, c'est cadeau, c'est le Before Dance Floor, voilà, tenez, c'est cadeau. Ah, oui, merci. Vas-y. Allez, vas-y, Charlotte. Encore. Je sens que je vais jouer sur toi. Ah. Ah, je me suis très excité, vas-y. Tu vas comme Léon, il est bien, tu vas. Ah, purée. Tape-la sur mon tito. Ah, oui. Et je sens que je vais tracer sur ton tito, là. Et je vais jouer. Ah, oui. Je vais jouer. Dis-moi des trucs méchants. Hein? Dis-moi des trucs méchants. T'as envie de faire baiser? Ah ouais. C'est une salope. Ah oui, une grosse chienne même. Oui, c'est une grosse salope. Ah ouais. Continue. Ouais, t'as envie de te reculer, hein, ouais. Ah ouais. Avec deux doigts dans le cul. Hein? Avec deux doigts dans le cul. Ah oui, t'as mis deux doigts dans le cul. Oh, je suis en train de mouiller jusque mes fesses. C'est bon, ça. Carrément. Ah oui. Et toi, elle est toute dure, j'imagine. Ah ouais. Ah purée. Visite-la pour te lécher. Vas-y, jouis. Je lèche mes doigts. Ah oui, c'est bon, ok, c'était toi. Fais-moi écouter. Ah oui. Vas-y, fais voir comment tu la secoues. C'est mal compris. Fais voir comment tu la secoues, fais-moi écouter. Oh, vas-y. Encore. Ils sont vraiment pas possibles dans cette équipe, les amis. Donc, Quentin, je suis sûr, ça fait kiffer Quentin. Bon, bref, les amis, on se quitte. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Voilà, j'espère que demain vous serez en forme. Demain, 20h, évidemment, c'est le Before Dance Floor. Dans moins de 3 minutes, l'équipe de la Libre Antenne arrive en direct de Radio Mixler. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans le Before Dance Floor. C'était Kev. Demain, rendez-vous 20h. On sera mercredi. Voilà, bisous à vous tous. C'était Kev. À demain. Voilà. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre. Les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires. 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook. Inox Club. Radio Mixplore. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous... Accélérez, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Everyone will know. Sure. rise a kingdom in my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. De son dance floor. Eh ouais, on est là, là, bienvenue. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Librantel sur Radio Mix Floor. Allez, bonsoir tout le monde, 21h20, un petit peu en retard ce soir, exceptionnellement, on est en direct évidemment jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous, c'est mardi soir, on démarre une nouvelle soirée évidemment ici pour Alex Libre Antenne en direct avec l'équipe ce soir. Il y a Al qu'on rejoint évidemment ce soir. Yes! Ça va bien Al? Ouais. Eh ben c'est bien, il, voilà, il est en forme, c'est sa première pour cette semaine à lui. Il y a Tonton Manier qu'on a retrouvé d'ailleurs hier soir, il est avec nous ce soir, ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien, ça ouais. va très bien. Il y a Ben qui est avec nous ce soir, ça va Ben? Ça va, attends, c'est vrai que t'as pris le micro, ah ouais, c'est parce que je vais dans l'ordre, c'est pour ça. Ça va Ben? Ouais, tranquille. Bah ça va, bah, nickel, bah c'est bien. T'as passé, hey, Ben, je l'ai appelé à 3h30 de l'après-midi. Enculé, il m'a réveillé, putain. Mais là, je l'ai appelé à 3h30 pour lui dire ce soir qu'il arrive un peu plus tard. Je dis, hein 3h30, le mec, en fait, il fait la radio, tu sais, au soir, jusqu'à 5h du matin, après il dort toute la journée. Bah il teste la démo de FIFA, hein, tout cas, le temps qu'il attend ça. Hein, il testait la démo de FIFA depuis le temps qu'il attendait ça. Ah ouais, c'est bien, j'ai eu des vidéos tout à l'heure de FIFA 17, apparemment. Cul la merde. Le coup franc. Ah, il est déçu, je suis bien content, je suis bien content. Ouais, il l'a dit la dernière fois en direct qu'il était un peu déçu. Bon, bienvenue en tout cas, jusqu'à 23h, on est là, c'est mardi 20 septembre. Ce soir, il y aura du foot avec notre ami Ben, il y aura Lille-Toulouse, c'est fini là, Lille-Toulouse, ça fait quoi pour Lille? Ils ont perdu 2-1. Ah, les deux dans le cul. Oh, oh, oh, encore une Toulouse, fois. C'est à domicile pour Lille ou pas? Ouais. Ok. Bon, bah ça fait chier. PSG Dijon, ça donne quoi là pour l'instant? PSG gagne à 0. Ah là là. On a la Ligue 2 ce soir. Bah nous, beaucoup, on va pas dire la France, mais nous on est beaucoup pour Lens. Donc Lens, ça fait quoi pour l'instant? Ils perdent à 0. Ils perdent à 0. Oh, ok. Oh. Et le gros derby ce soir, parce que je sais que c'est un gros derby là-bas en Espagne, c'est Séville contre Real Betis et ça démarre à 22h. Ouais. On en parlera tout à l'heure. On aura le jeu de 5 mots dans quelques instants. On aura la minute gaming avec notre ami Ben. On aura la rubrique sexe tout à l'heure avec Tonton Mani. Il faut savoir qu'hier ils ont mis pas mal de points avec le God d'or qui effectivement, est remis en jeu chaque soir. Évidemment, on aura la question du soir tout à l'heure. On sera le nouveau top ou flop, c'est la nouvelle rubrique depuis hier. Et puis on parlera de tout et de n'importe quoi. Voilà, on essaiera peut-être, qui sait, de faire un petit canular en fin d'émission. En tout cas, soyez bienvenus jusqu'à 23h. On est là, Alex Libre Antenne. Vous avez passé une bonne journée. On va commencer. Bon, Ben, sa journée se résume à Ali. Tu t'es réveillé à quelle heure? Bah 17h. Oh, et le chômeur de base, lui. C'est le chômeur de base, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. T'es inscrit à Pôle emploi? Ouais. Ouais. Tu vas au rendez-vous à 8h30 du matin, hein? Non. Oh là là. T'as passé une bonne journée, Alexis? Bah oui, moi, bah, écoute, je travaille pour payer les gens comme lui. Donc. Bah là, ce qui touche à rien, tu touches touche rien. Bah, ah, voilà. Ok. Donc, ça va, lui. Ouais, c'est enfin une bonne chose. Ouais, voilà. Mais d'accord, ok. Al, t'as passé une bonne journée? Bah écoute, en même temps j'étais avec toi donc. On s'est vu une heure. Bah j'étais avec toi. Non, non, ouais. C'est on a eu un rendez-vous, on était acheté un pack de bière, c'est tout ce qu'on a fait de la première. Ah bah c'est déjà trop. Non, non, ouais, ça a été tranquille. En mode pépère. Et ben voilà, ça y est, bienvenue. On aura le nouveau, là, vous l'avez adoré. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Nouveau Zarlanson aussi, une découverte. Découverte Radio Mixer, vous l'avez découvert dans le Before Dance Floor avec Kev. Et vous l'aimez aussi celle-là, putain, Alonso Binta. Soyez bienvenus en tout cas, jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne, posez-vous. Pendant que d'autres trompent leurs femmes, d'autres écoutent Radio Mixer, merci en tout cas à vous. Et ça, je suis chiant avec, mais je l'adore et je sais que vous kiffez aussi, Maître Gims. Pile poil de quoi quitter la ville, les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali, pousse-toi de la lance, pile poil. Pas mal de cadeaux avec Maître Gims qui va arriver la semaine prochaine. En tout cas, bienvenue jusqu'à 23h, on est là. Merci d'être avec nous, ça fait grave plaisir. On va démarrer cette soirée là avec ça. J'aime bien aussi le tout nouveau DJ Snake là avec Justin Bieber. Enfin, DJ Snake, si ça pouvait être que DJ Snake, ça m'arrangerait aussi. Hein. Let me love you, soyez bienvenus jusqu'à 23h. Bon début de soirée avec nous, Alex Libre Antenne, welcome. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors, keep us waiting on a miracle. Allez, bonne soirée, le son de DJ Snake, Justin Bieber à l'instant, Let Me Love You, 21h28 en direct, jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne. J'adore ce son, il est énorme, pas mal, bienvenue. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne, c'est nous. On est là pour vous faire kiffer la soirée, évidemment. Si vous avez passé une journée de merde au boulot, si vous êtes rentré à l'école, vous êtes crevé, si vous avez fini vos devoirs, etc. Et ben on est là pour vous détendre jusqu'à 23h, 2h de fou rire, 2h de canular, de tout ce que vous voulez, de rubriques. On aura du sexe à partir de 22h avec la rubrique sexe de Tonton Magnier tout à l'heure. Avec du hard ce soir, comme hier soir, on a fini à parler d'urètre. C'était dégueulasse. Il y a pas mal de choses. si vous parlez en même temps, ça va parler. Ouais, pardon. Je dis, il y a pas mal de nouveautés dans ces questions. Ce soir, ça a été un peu plus des questions sexe insolites, mais il y a du gore comme on l'aime. Hein. Je vous rassure. Évidemment. Bah, restez ici à partir de 22 ans, ça sera la rubrique sexe. Mais avant ça, notre habituel jeu des 5 mots, évidemment. Le jeu des 5 mots, c'est très simple. On appelle des hôtels. On balance 5 mots n'importe lequel. Et puis, évidemment, le but, c'est de faire une réservation d'hôtel, pardon, avec les 5 mots suivants. On va commencer par Ben. Ben donne un premier mot pour notre ami Al. McDo. D'accord, tu sais qu'on a pas le droit de faire des pubs, hein. Bon, bref, c'est pas grave. McDo, Quick, Flunch, allez. McDo, pourquoi McDo? Non, mais je suis sûr qu'en fait il envoie le message en privé parce qu'il a la dalle en fait. T'as la dalle, t'as pas mangé toi? Oh, merci. Parce qu'il mais a, non, il a vu ça en fait. Bah ouais, mais tu peux dire autre chose, non? Je l'ai pas dit. Ah, attends, mais les mecs ils vont chercher loin quoi. C'est un cruise de pub quoi, McDo quoi. Ah, mais McDo change. Bah... Parce que là j'ai l'arrêt publicitaire sur la droite qui est dans mon arrière qui me dit qu'ils sont pas là. Ah, on se fait déjà engueuler là, j'ai un message d'Aurélie là, qui me dit pas bien être en retard, à défaut de venir, je vous écoute en ce moment même en travaillant. Non, mais c'était prévu, hein, on l'a dit hier, faut écouter. Ah non, ouais, mais en fait c'est Aurélie qu'on connaît, elle habite juste à côté. Elle voulait qu'on débarque en pleine émission, hein, lui faire un petit coucou en fait. Ah d'accord, bah big up. Bah, non, mais c'est pas, on est pas en retard, c'est juste que c'est fait exprès. Ouais, bah écoute Aurélie, on arrive là. On revient à la salle de sport. Le temps de la pub, on arrive, t'inquiète. Voilà. Prépare le café, prépare l'apéro, on est là, justement on a faim. Voilà. Les champagnes, des chips et du caviar. Ah, au caviar. La radio au bout du rouleau, ils mangent du caviar. Non, donne un autre mot, Ben. Préservatif. Ok. Oh, lui, non, lui il est à fond dedans. Ok, super. Les mots, il m'aurait dit machine à laver, ça m'aurait pas étonné. Mais c'est facile en plus à caler des mots comme ça. Enfin, voilà. Un mot, tonton Manier. Brosse à dents. Ok. Moi j'ai un mot, j'ai charpente. Ça c'est compliqué à dire. Et ça veut dire quoi, hein? Bon, arrête, quoi? Non, arrête, non, on commence pas toi. Non, sérieux. Non, c'est bon, là, faut arrêter. Non, mais sérieux, ça veut dire quoi? C'est parce que c'est une charpente. Oh. Non. Oh non, mais là, franchement, c'est quoi ce recrutement que vous avez fait l'année dernière? Non, on est pas là pour. Attends, tu verras plus tard, t'es qu'à l'école. Au lieu de dormir, là. Mais explique-lui que c'est une charpente. Une charpente, c'est quoi? C'est ce qui tient le toit d'une maison, quoi, pour résumer. Tu sais, les trucs en bois. Oh là là, merci. Laisse tomber toi. Il habite dans un HLM en même temps. Hein, donc, On va lui prendre un abonnement à Wikipédia. Oh, attends, lui. Enfin, s'il te plaît. On... T'as, y'a rien que Gulli la journée ou quoi? Ah non, il dort. Ouais, il dort. Un autre mot, on va prendre un mot de la part d'une auditrice qui est venue nous voir ce soir. Peut-être un autre mot, Magny, tu sais que tu l'entends pas loin de toi. Est-ce que tu peux me balancer un mot, n'importe lequel? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Panthère. Panthère. Pourquoi l'auditrice te regarde avec des yeux doux en disant panthère? Bah non, je sais pas, peut-être que la connaissance de quelque chose qui me concerne avec le panthère, mais c'est la couleur de ton slip ou de ton boxeur? Je ne sais pas. Oh, c'est dégueulasse, les trucs là, t'as jamais vu les meufs et tout avec les trucs panthères? Oh, c'est dégueulasse, ça, j'arrive pas. Oh, bah Tarzan. Ouais, c'est moche, j'aime pas cette couleur là, c'est dégueulasse. Ouais, donc, c'est à la base c'est pas une couleur, ça fait un effet. Ça fait vulgaire, je trouve. Ouais, ouais. Ça fait salope des bas quartiers. Ça fait cougar. Ouais. Non, ça fait salope des années 80. Ça fait travelot. Ouais. Ouais, dans les vieux films de cul des années 80. Ouais, c'est ça, ouais. Quand même, derrière, avec la grosse touffe qui dépasse un peu. La grosse touffe qui dépasse un peu. C'était les 70s, quoi. Ouais, c'est ça. Et Ben qui fait, c'est quoi les 70s? Bonsoir, c'est Chico. Ah, tu sais ce que c'est les 70s? Non. Oh, les mots, j'en ai marre. Bon, les 5 mots suivants qui sont. Bah j'en ai que 4 en même temps. Ah non, t'en as 5. Ah non, j'en ai 3. J'ai préservatif, brosse à dents, panthère. Et charpente, t'es con. Ah, charpente, ah bah excuse-moi, ça va. Et t'en as donné 5. Bah non, ça fait 4. Ah non, 4, pardon, bah on relance un autre mot. Oh. Ah bah non, on demande à quelqu'un d'autre. Hein. Oh, bâche. Oh là là. Bâche. Oh, lui, bâche. C'est un scandale ce mec. Ah non, mais c'est. Vous avez voulu faire plaisir. Il y a Jojo qui nous fait le bonsoir. Bonsoir les quêtes bites. Bon, c'est, en gros, ça veut dire bonsoir les petites bites. Salut. Salut. On appelle du côté de Nancy ce soir. C'est parti en direct. On est là. On représente Radio Mixfloor. Bonne soirée à 21h32. Le jeu des 5 mots, il va devoir caler ses 5 mots dans une réservation pour ceux qui n'ont jamais. Je m'entends pas. On est là. Bonjour et bienvenue au Best Western Hôtel Crystal en plein cœur de Nancy. Nous vous remercions de patienter quelques instants. Nous allons... Oh, le faux espoir, ouais. Bonjour et bienvenue au Best Western Hotel la meuf, c'est de voir robot. En plein cœur de Nancy. Nous vous remercions de patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Oh, bonjour et bienvenue au Best Western Hotel Crystal. C'est long. En plein cœur de Nancy. Plus c'est long, plus nous vous remercions de patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Allez, dernier test. Oh, vas-y, on rappelle un autre. Ouais, c'est mort. On fait rien, les hôtels. Après, c'est des plus boulot. Ouais, on pourra répondre déjà. Bon, c'est parti, on appelle un deuxième. Toujours à Nancy. Bon, apparemment, les hôtels, ils ont fermé le mardi soir à Nancy ou quoi là? Wow, ils sont sérieux. Elle change de ville, mec, hein. C'est pas bon, ça. Bonjour et bienvenue dans votre hôtel Ibis. Ah. Si vous souhaitez parler en français, veuillez composer le 1. For a service in English, please press 2. J'espère que t'as pas mis en anglais, ou... Si votre appel concerne une réservation individuelle, veuillez taper 1. Une réservation... C'est cool. Pour effectuer une nouvelle réservation, tapez 1. Si votre demande... Dans le cadre de notre politique de qualité, cet appel peut être enregistré. Ah bah c'est bien, ça te fera un souvenir, moi. Bon, j'espère qu'elle va répondre. Oh, mon Dieu, sonnerie de merde. Le directeur. Et c'est bizarre, je m'entends pas dans le casque. Tous nos représentants sont actuellement... Wow. Et allez, bim, celle-là, je m'y attendais. En attendant, le prochain représentant disponible. Représentant. J'ai jamais entendu que c'était aussi touristique que ça. Ils sont sérieux, attends, je vais comprendre ça. Eh lui, je le sens, il est en train de s'énerver, il va me niquer moi, ma rubrique. Qui? Toi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Ça m'énerve. Ah ouh. Vas-y, j'en rappelle un autre parce que c'est bon, quoi. De quoi? But pour Lance. Ah, ah. Égalisation 1-1, c'est ça? Ouais. Hôtel Campanile, Nancy Centre-Gare, Amélie, bonjour. Bonsoir, madame. Excusez-moi de me déranger, ça serait pour réserver une petite chambre, s'il vous plaît. Pardon, je vous entends mal. Ah, excusez-moi, attendez, je vais bouger avec le téléphone, parce que je suis avec mes collègues, là, ils font les cons. Eh, vos gueules, les gars, je réserve la chambre. Allô, madame? Oui. Ça va mieux, vous m'entendez mieux? Oui. Excusez-moi, non, mais foutu un préservatif sur mon téléphone, c'était le bordel. Non, excusez-moi, donc oui, je vous appelle pour réserver une chambre, s'il vous plaît. Pour quand? Ce soir, je pense que pour ce soir, ça serait... On est complet. Ah. Demain matin, c'est possible ou pas d'effectuer une réservation pour demain matin? Ah non, c'est pas possible, non. Ça marche du soir au soir. Ben oui, mais si je vous fais la réservation là ce soir, en fait, pour demain, et que... Ah oui, donc je peux pas venir demain matin. Donc si je viens pour ce soir... Voilà, vous pouvez pas venir demain matin, la chambre, elle est pas... vous pouvez pas la prendre avant 15h. Ah, bah pour 15h, alors si, je peux réserver là ce soir pour 15h. Je ramène ma brosse à dents et tout, vous inquiétez pas. Hein. Alors, monsieur, je vous explique, on est complet toute la semaine, là. Ah bah vous m'avez simplement dit ce soir... Ouais, on va te faire niquer, salope, allez, vas-y, c'est bon. Vas-y. Non, mais c'est bon, de toute façon, ça sert à rien, y'a rien. Allez, vas-y, on rappelle un autre, là. Bonjour, vous êtes bien au Résidome Nancy-Lorraine. Nos horaires d'ouverture... Oh, merde! Ah non, mais c'est cool aussi. Ils vont faire péter un plomb ce soir, les hôtels. En plus, je fais pas l'arabe, donc ça passe et... Non, mais attends, parce que du coup, j'ai plus de numéro d'hôtel. Putain, j'en ai que 4 ce soir. Je me dis, bon, il y en a assez. Putain, sérieux. Ah, change de ville, on change de ville, là, ça me porte poil. Bah, change de ville, gros, c'est toi qui fais le... Ah non, mais j'ai pris Nancy au hasard. Bah, donnez-moi une ville n'importe laquelle en France, merci, s'il vous plaît. Saint-Étienne. Bah, Fécamp. Non, mais quand? Mais non, mais quand? Lui, quand il fait quand, le vieux bled, là? Ah, bah, attends, ils sont peut-être des hôtels à Fécamp. Attends, faut que je trouve un hôtel du côté de Fécamp. Là. Ok, on va sûrement tomber. Non, du côté de Saint-Etienne. Attends. Ah, paf, paf. Paf, paf. Merci de parler, hein, ça fait plaisir. Bon, je comprends pas ce que je fais. Je suis en train de regarder le penalty de Lens, là, je l'ai en direct. Tu nous endors en même temps depuis tout à l'heure, là, sincèrement. Okay. Hein. C'est toi l'animateur. Bonjour et bienvenue à l'hôtel Ibis Nord-la-Terrasse. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. J'espère bien. Moi, je le refais en mode. Non, parce que là, tu es pas crédible. À quoi, le mec, il a le droit d'être en soirée. Hôtel Ibis Saint-Etienne Nord, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pour faire une réservation d'hôtel, s'il vous plaît. Bah, de chambre, surtout. Pour quelle date? Donc pour mercredi prochain. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Allez-y. J'ai le temps. Ouais. Pas trop, quand même, mais bon. Non. Alors, pour deux personnes... Non, je vais être seul. C'est parce que là, je suis en pleine réunion, donc je profite, il y a un petit instant. Ok. Donc, une chambre pour deux nuits, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Pour la nuit de mercredi à jeudi? Oui, bah, deux nuits, mercredi à jeudi, et jeudi, de mercredi à vendredi, en fait, voilà. Ok, d'accord, donc du 19 au 21. Voilà, question très pertinente. Avez-vous des brosses à dents ou je suis obligé de ramener la mienne? Je ne connais pas du tout. On a à la vente, on a des trousses de toilette ici à l'accueil. Ah d'accord. C'est donc au niveau du tarif, c'est compris dans le tarif ou c'est hors tarif? C'est hors tarif. D'accord, donc je vais. D'accord, je ferai une note de frais, il n'y a pas de souci. Ok. Et je mets la réservation à quel nom ? Alors, monsieur Charpente. Qui n'a rien à voir, je vous rassure, avec une charpente de toiture. Hein. Ok. Non, on m'a déjà fait un humour assez compliqué. Donc d'accord. Voilà. Ok, bah c'est noté pour moi. Donc une chambre du 19 au 21. Et Jean-Michel, je te permets pas, je suis au téléphone, s'il te plaît. Non, mais range mon portable, merci. Ah, qu'est-ce qu'il est con, ce Jean-Michel. Il m'a mis il m'a mis un préservatif sur mon téléphone. Ah, les réunions de boulot, hein, je vous jure. T'as vu ça, busy. Voilà, bah c'est bon pour moi. D'accord. Par contre, juste une petite question. J'ai un animal de compagnie, serait-il possible de le prendre dans votre hôtel? Oui. C'est comme un chien, mais vous inquiétez pas, il n'y aura aucun bruit. Hein. Ok, il n'y a pas de soucis. Non, mais Michel, Jean-Michel, s'il te plaît. Ah merde! Tu m'as niqué ma rubrique! Oh là là, mais... non, mais il entend rien normalement. Là, il a entendu. Ah bah si, ouais, il était cet après-midi, là, moi, je peux balancer les sons, il entendait pas. Bah là, visiblement, il a entendu, merde. Ah bah si, bah là, il a entendu. Là, non, mais il a pas entendu, c'est pas possible, attends. Non, il a pas raccroché pour ça. Si, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on va essayer de rappeler le même numéro. Ah bah non, t'as balancé tous les trucs là. Mais ouais, non, j'ai pas balancé Panthère et Babache. Et je rappelle qu'on a d'autres rubriques aussi. Hein. Bah ouais, parce que là, en même temps, là, c'est un peu long quand même. Bah non, bah écoute, moi, j'ai envie de faire ces 5 mots et puis merde. Oh là. Faut pas que je la fasse comme ça en mode coincé du cul. Ouais, c'était pas mal, moi j'aimais bien moi. Moi j'aime bien quand tu fais ça. Trouvais ça drôle la réunion de boulot comme ça, c'était pas mal. Ouais, ouais. Ah, ça faisait... Il t'est flagué, t'entends Vanier là. Ouais, c'est pas mon personnage. Ok, bon, j'ai plus le numéro, c'est pas. Bon, merci en tout cas, c'était joli. C'était joli, ça qui me sort en tout cas. Merci d'être avec nous là. Pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais là. Bah, t'as réussi à quand même caler pas mal de mots là. J'en ai casé 3 sur 5. Oh, 3 sur 5. Ouais, mais non. 4 et plus spot. T'as gagné 15 euros. Allez, bonne soirée en tout cas, merci d'être avec nous. On sera le classement des sites les plus visités de France. Et vous allez être. Vous allez. Enfin, moi, que je l'ai préparé, ça m'a halluciné en tout cas. J'ai halluciné parce que je m'attendais pas à autant de résultats quand même. Le con du jour est décerné à un Australien qui a composé le numéro d'urgence de la police afin de se plaindre du fait que son père venait de lui détruire son cannabis. Qu'est-ce qu'il est con. Bon, allez, on dirait évidemment jusqu'à 23h, Alexis Bretel. Eh, mais je suis carrément à côté de la plaque ou je suis plus dans l'émission, les. Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Bah, je sais pas, tu balances des trucs comme ça, on t'encadre comme des cons, normal. Ah ouais, j'essaie d'animer cette rubrique. Tu niques les rubriques des autres et après t'essayes d'animer des. Bah, je nique pas les rubriques des autres. Ouais, ah bah, non, si, ouais. Le tu mets le gars en train de jouir, je sais pas quoi derrière. Hein. Ah, non, mais il a pas entendu, je bah te non, dis. Mais il a pas entendu, mais il a raccroché pour il, quoi, il a raccroché direct. Ah, on va le rappeler. Non, bah, non, il m'avait l'air bien coincé du cul aussi, lui. Non, c'est bon. Ça va. Au bout d'un moment. Pétez un câble, quoi. Ah, on va le rappeler. Le pire, c'est que tu vas le rappeler. Bah, si tu dis que j'ai quitté ta rubrique, on va le rappeler. Ah bah c'est trop tard, il va rappeler le même mec alors qu'il vient de se faire baiser. Ouais, c'est pas grave. On sera la rubrique sec dans quelques instants, on sera la minute gaming avec Ben là dans quelques minutes là. Restez avec nous en tout cas, on parlera de quoi ce soir notre ami Ben? Call of Duty et Destiny. Ah mon dieu, je pense que vu les yeux de ton manier, il y a du. T'as déjà testé les trucs? Non mais je suis pas pour ces jeux là donc t'es on pourra fou, en débattre. Non mais j'aime bien les jeux de guerre mais. Pas cette production, on va dire. D'accord, ok. Complètement. Call of? Ouais, je. Mais c'est bon, Call of? Ah, c'était bon à l'ancienne. Non, c'était bon. À l'ancienne. Maintenant, ils sont partis dans des délires. La guerre dans l'espace en l'an 3277. Ah ouais, toi, c'est du hachis. Ah, moi, il me faut de la guerre 14. Ah non, ouais, il faut de la bonne guerre. Il faut de la guerre 14-18, tir de mortier, pété du nazillon. C'est vraiment les bons jeux, ça, à l'ancienne. Ok, d'accord. Avec les belles carabines à un coup, là. Exactement. Le Garanta. Allez, bienvenue tout le monde en direct jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous. Bon courage à tous ceux qui partent travailler. Bon courage à tous les routiers qui nous écoutent ce soir. Comme chaque soir, Alex Libre Antenne jusqu'à 23h. Et tout de suite, Black M, je suis chez moi. Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant, se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non, peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Black M à l'instant, bienvenue tout le monde, jusqu'à 23h on est là. Du lundi au jeudi, 21h, 23h, Alex Ibrantel sur Radio Mix Floor. Allez, on est en direct évidemment jusqu'à 23h. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je viens de reprendre le micro et tout le monde se tape des barres. Qu'est-ce qu'il y a ton compagnie C'est Ben qui me fait rigoler. Pourquoi Ben? Pourquoi il te fait rigoler Ben? Je peux pas en parler à l'antenne en fait. Ah, ce qu'il a. Alors, on vient d'expliquer, on vient de faire une tournée de Coca-Cola. Et il vient de décapsuler. En fait, on l'a demandé si quelqu'un avait décapsuleur parce que ça en a pris des canettes en verre. Et du coup, tu nous as sorti un décapsuleur. C'est quoi cool, mon décapsuleur là? Ça, c'est préhistoire ou quoi? Non, mais c'est un décapsuleur. Mais en tout cas, merci d'avoir ressorti les canettes Coca en verre. Ça faisait des années que j'avais pas bu du Coca en verre. Moi, je crois que c'est la première fois de ma vie. Non, je rigole, on boit une bière. On va pas se cacher. D'ailleurs, venez si vous voulez assister à l'émission, tout ça, on vous accueille évidemment avec. À consommer avec modération, évidemment. Une petite bière, ça perd. Vous avez toujours du bien à 21h46. Le game balance en direct, normal. Ah, quoi? Bah, alors, c'est bon. Il y a des autres radios, ils disent bien qu'ils vont de l'alcool. Pourquoi pas nous? Il y a des radios, ils fument le bédo. Ah, c'est clair, on s'en fout. Nous, c'est légal. C'est légal de l'alcool. Non, mais c'est que de la bière, ça va. Ouais. La bière sans alcool. Pour l'instant. La NK, c'est la cro. La Minute Gaming va être notre ami Ben avec beaucoup de Call of, etc. Ce soir, ça va parler de jeux de guerre. Qu'est-ce que ça va parler ce soir? On t'écoute. Ça va parler de la sortie Call of Duty qui sort le 4 novembre. 4 novembre, d'accord. C'est comme FIFA, ça? Ils en sortent un chaque année ou pas? Ouais. Du tout? Ouais, ok. Mais sauf que là, ils vont sûrement en sortir deux. D'accord, ok. Parce qu'il y a le Call of Duty Infinite Warfare. Et le Call of Duty Modern Warfare Remastered. J'ai envie de te dire, c'est quoi la différence? Remastered, c'est un ancien Call of Duty qui était sorti sur Play 3 et qui le refont sur Play 4. D'accord, ok. Ah, complètement. Ça, par contre, ça peut être pas mal. Mais ce qu'il y a, mais c'est en que... prenant vraiment les graphismes améliorés, mais voilà, le jeu va le même scénario, c'est quoi. Ça. Normal. Ouais, voilà, Call of, c'est plus ce que c'était. Et en puis fait, l'achat des deux jeux va te coûter 200 euros, quoi. Voilà. Plus le saison pass à 60 euros. Et tu vas le finir en 3 jours, et 4 jours après, tu vas le revendre, et tu vas perdre 70% du prix du jeu. Quand tu joues à Call of, c'est en multi, donc tu joues un an avec. Ouais, 60 euros, j'aime, attends, c'est en général, non, moi j'aime pas jouer en multi. Je préfère faire les campagnes, tu vois, tranquille, et après. Ouais, non, mais depuis quelques années, le solo, il y a plus personne qui joue sur Call of. C'est un jeu essentiellement multijoueur. Ah ouais, c'est. Multijoueur ou zombie. Ouais, ou zombie, mais c'est du multijoueur aussi. Ouais. Ouais, mais de toute façon. Non, ils sont partis dans un sale délire, Call of, pour moi. Ils sont partis dans un. Ah, ils sont plus dans le truc de l'esprit de guerre. Moi, tous les jeux, ça a toujours été sur PC. J'ai jamais été déçu, mais là, bon. Bah, en fait, avant, moi, ce que j'aimais bien dans les jeux de guerre, c'est que c'était les jeux de guerre sur les guerres. On va dire, 14-18, 39-45. Maintenant, là, ils sont partis sur de la guerre un peu en 2370 après Jésus-Christ. Avec les doubles sauts, les jetpacks. C'est lequel que t'as chez toi, là? Non, moi cette année, je vais passer sur Battlefield. Non, mais celui qu'on a joué la dernière fois là. Bah, Battlefield, j'ai bien réglé le souci. C'était Call of, ouais, bah, c'était normal ça, c'était semblé. Oui, il était déjà un peu futuriste. Mais après, c'est, ouais, c'est futuriste dans le sens où le gars il saute et bah, il saute comme un pigeon. Il court sur les murs et tout. Voilà, c'est ça. C'est ouf, c'est n'importe quoi ça. Ok, ouais, bah après, c'est changé, c'est toujours la même chose aussi. Enfin, c'est marrant. Après, c'est pas comme FIFA où t'as des nouveaux joueurs qui sortent. Oui, enfin, tu peux. Sur tout ce qui est guerre moderne, je pense que tu peux faire pas mal de jeux entre guerre 14-18, 39-45, les conflits qu'il y a eu il y a quelques années en Afghanistan, ouais, etc. À mon avis, tu peux faire des choses mieux qu'une guerre qui n'est pas encore passée ou qui ne veut peut-être jamais exister. Ouais, bah, j'espère en tout cas. On n'est pas à l'abri d'un conflit. On sera plus là en 2370, je pense. Ah si, ouais. Enfin, si, j'aurais fait mon vaccin contre la guerre. Ah oui, c'est vrai, on avait parlé, Aldo. Ah bah ouais, tu fais chier aussi, à un moment tu te fais chier. Non, ah non, t'inquiète pas, moi je me ferai jamais chier. Moi. Bon, allez, à la suite. Au bout de 200 ans, on change de vie direct. Et j'ai vu une rue. Parce que normalement, si tu veux les deux jeux, il faut que t'achètes le Infinite Warfare. Tu peux pas acheter. Oh, ça fait comme Sims. T'es obligé d'acheter le premier pour avoir le deuxième. Tu peux pas acheter séparément. Et en fait, j'ai vu une rumeur que. Une rumeur. Je vois une rumeur. En espagnol, une rumeur. Et je vois une rumeur et tu parles que je vais défoncer sa race. Et j'ai vu une rumeur éventuellement où tu pouvais acheter. T'as un rhume ou quoi? Le CD séparément. D'accord, ok. Ouais, comment t'appelles ça? C'est une. Merde. C'est une évolution du premier jeu en fait. Ouais, voilà. Bah, comment t'appelles ça? C'est une add-on. C'est pas vraiment une évolution. C'est une add-on. Tu dis une add-on à lui, toi? Ouais, en plus, tu dis une add-on à moi. Ça veut dire quoi, add-on? Oh là, toi. Mais en plus, il fait une rubrique gaming, quoi. Il sait pas ce que. En gros, c'est un complément du jeu. Il te faut c'est la première. C'est pas un complément. Ouais, c'est un complément. Parce qu'en fait, le jeu remasterisé, ça n'a rien à voir avec le jeu qui va sortir. C'est un ancien jeu qui a déjà sorti. Mais comme il dit, il te faut le nouveau jeu pour jouer à la version. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est pour avoir la version remasterisée, il fallait que tu achètes le nouveau jeu. Et t'avais les deux. En gros, t'appelles ça une add-on. C'est sans le premier truc en fait, ils ont. Oui, mais moi tu l'appelles comme tu veux. C'est que ça suit pas en fait, les jeux suivent pas. Ah non, ouais, c'est pas la même. En gros, c'est comme une mise à jour grâce au CD pour pouvoir jouer un jeu quoi. Ok, bah voilà, ouais. Il faut ça du coup. Oh là là, le bordel. Et il y a une rumeur qui dit que éventuellement tu peux l'avoir séparément. Okay. Mais c'est pas encore sûr. Et tu sais quoi, t'attends, au mieux de l'avoir là tout de suite, t'attends dans 6 mois, tu vas te choper un crack sur le net et basta, bim, tu l'auras quoi. Il faut acheter les jeux. Sur Play 4. Hein. Ouais, sur Play 4, c'est pas évident. Il faut acheter des jeux, allez, il faut acheter les CD aussi. Oui, bah oui. Oh, ou tu peux les acheter en dématérialisé sur les PlayStation Network, Xbox Live. Okay, ouais. T'as plus besoin de CD maintenant. Non, bien sûr. C'est pour ça que j'ai jamais aimé les consoles en fait, parce que t'es tout le temps en train de taxer quoi. Ah, ça coûte cher. C'est ce qui me saoulait. Avant, j'en avais, tu vois, j'avais Xbox et tout ça. Mais c'est pareil, tu vois, tu joues à un jeu pendant 4 jours, t'as fond dedans, une fois que tu l'as terminé, tu revends, t'as perdu ta thune. Non, mais là, tu parles de beaucoup de jeux, on va dire solo. Ouais, en solo, ouais. Mais des jeux multi, ouais, tu peux le saigner pendant 1 an, 2 ans. S'il y a des mises à jour régulières, etc., tu vas le saigner le jeu pendant 1 an. Alors, j'aime bien votre conversation, mais par contre, on est déjà à la bourre depuis 6 minutes sur la pub, donc si on peut se dépêcher, ça m'arrange. Mais on reprend. Ah, bah, faut savoir, tu veux faire des rubriques. Moi, j'ai foiré déjà ma rubrique. On participe à la gaming, quoi. On fasse une rubrique, ça dure 30 secondes, d'accord, merci. Non, mais j'ai pas dit ça, putain, tu casses les couilles. Ça. Toi, rigole, toi, vas-y. Non mais les gars, arrêtez de m'appeler, je suis en pleine émission là, vous me cassez les couilles, ça fait déjà 3 fois quoi. Ah, Vlalo, Texaga, tout, ça. Ah, mais voilà quoi. Allez, vas-y, c'est qui? C'est le marchand de patates là. Ah, il veut fourguer ses citrouilles. Hein. C'est pas qui fourgue ses citrouilles. Non, mais s'il vous plaît, je comprends pas. Alors, arrête, vas-y, continue. Ouais, c'est parce qu'on a un fournisseur à la radio. Et je vais finir avec la sortie du DLC de Destiny aujourd'hui. Il s'appelle Le Seigneur des Fers. Et dessus, il y aura un nouveau raid. Des nouveaux assauts, des nouvelles armes et des nouvelles armures. Ah, c'est quoi un raid? C'est rouge. C'est raid et c'est fer. Ma bite est raid. Bon, bah, du coup, c'est quoi comme jeu ça? C'est. Comment dire? Bah, c'est un jeu futuriste aussi. On va dire c'est du Halo sur PlayStation parce que Halo n'est que sur Xbox. Okay, ouais. Ah, pourquoi maintenant tu peux faire Halo sur PS4 et sur Xbox? Parce que moi à la base, Halo je le faisais sur mon téléphone. Ouais, bref, mets la pub, Alexis, ça part. ça part trop loin. Bon, reste avec toi. En tout cas, merci pour cette minute gaming. En tout cas, on a appris une bonne chose sur Call of Duty. Je ne savais pas qu'il fallait acheter deux jeux, évidemment. Bah, comme ça, on le sait. Et les prix, tu ne sais pas, sur Call of? Bon, c'est 60 balles ça. Ça va être plus cher. Ça va être 70-80 balles le jeu. Non, pour avoir les deux, normalement, c'est 100 euros. Rien que 100 euros. Et sans le saison pass. Le saison pass, c'est-à-dire les mises à jour de l'année avec les nouvelles cartes, il faut que tu les payes. Et le saison pass, c'est à 60 euros. Donc le jeu te revient à 160 euros. Non, 160 euros pour jouer un an. Oh, okay, au bout d'un an, t'as le nouveau qui sort et celui-là est démodé. Oh bah, achetez-le si vous êtes fan. Reste avec nous jusqu'à 23h. On bouge pas, il y a tout nouveau Fédère qui débarque, l'ordi. Bonne soirée, on est là jusqu'à 23h. Bientôt, la justice aura son chiffre, les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance? Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira.

Bon, merci d'être avec nous en tout cas jusqu'à 23h. On est là. Ensuite, la rubrique sec de Tonton Magné dans quelques minutes. Il faut que j'attends 22h. Mais avant ça, la question du soir qu'on reparlera dans tout deux minutes, quoi. Tu peux faire un point foot avant ou pas? Hein? Oh, bien sûr, vas-y, le point foot. Vas-y. Oh, il est motivé. Tu peux interrompre à tout moment. Le priorité au direct. Vu que c'est la mi-temps, là, je vais faire un point foot. Le PSG gagne 2-0. Ah. Et Lens perd 2-1. Wow. Oh là là. Et le derby entre Séville et. Ah oui, ça démarre. Ça, ça va démarrer. Ok, ok. Et juste avant d'attaquer la rubrique sexe de Tonton Magné, j'ai eu un message. Ah. Je viens de finir mon cadeau d'anniversaire. Voilà mon cadeau d'anniversaire, mais j'ai rien. Ah, okay. Donc il y a une auditrice qui va venir nous voir. Ah si, j'ai la photo. Super. Ouais. Oh, t'es méchant. Mais non, mais. C'est l'auditrice. En fait, moi, je comprends pas. Moi, on va expliquer aux gens parce qu'ils comprennent mais non, pas. Non, mais je vois pas. Faut pas régler entre nous. Faut expliquer aux gens. C'est un parfum. C'est un parfum. Il y a une auditrice. Il y a une auditrice qui a fait son anniversaire qu'on connaît, qui est venue lundi, je pense. Non, on est 15 jours mardi. Elle est venue la semaine dernière. Non, elle est venue jeudi dernier. Ouais, jeudi dernier à la radio et elle a fait son anniversaire aujourd'hui. Elle a fait un gâteau anniversaire. Elle veut venir après la radio avec son champagne et son gâteau anniversaire. Il faut expliquer aux gens. Et du coup, bah là, elle lui parle à Anne. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ça fait pas longtemps que j'ai commencé et je comprends pas qu'il y ait toujours des auditeurs qui nous écoutent, quoi, parce que. ça cartonne de l'auditeur à en plus finir ici. Bah, non, ça me choque. En ce moment, quand j'étais sur Énergie, c'était pas comme ça que ça se passait. Tu fais les grosses têtes RTL, gros, c'était pas comme ça non plus. Ouais, je me doute, ouais. Mais on se comprend, c'est pour ça. Ah, il y a des anciennes chez nous qui partent dans notre radio qui deviennent animatrices. Ah, c'est. Chroniqueuses. Elles ont décollé. Ouais, ça y est, toi, ça cartonne. Dédicace à Romy. Ah non, cartonne personne. Moi, j'ai pas dit de nom. Ah d'accord, mais. Lui, il l'a balancé, mais pas moi. J'en ai branlé. Est-ce que vous avez vu le fameux pari de Cyril Hanouna qui va animer pendant 35 heures sur C8? Ah. Hashtag Baba record du monde. Il a entendu parler. Oh là là, mais pareil, mec. 24 heures d'Ali. Hier, vous parlez que le mec il veut passer. Il veut faire quoi, les victoires de la musique? Non. L'Eurovision. L'Eurovision. Et le soir même, dans l'émission, il voulait faire une émission spéciale. Il voulait faire un Koh-Lanta spécial avec son équipe en fait. Ouais. Mais la vraie télé, la vraie émission sur TF1. En gros, il voulait proposer à TF1 de faire ça avec des animateurs et tous les animateurs de TPMP. Donc ouais, il va beaucoup sur le buzz quand même, quoi. Ouais, mais il fera pas les trois quarts de ce qu'il dit. En tout cas, pour le record du monde, c'est confirmé. Hein. C'est sur C8, c'est jeudi 13 octobre au samedi 16 octobre. Donc ils ont fait carrément un dispositif spécial, etc. Dès 14h, il y a Touche pas à mon après-midi avec Cyrilona, etc. Ça va jusqu'au soir avec le Touche pas à mon poste. Il y a le truc là, son émission. Il y a le matin, il est beaucoup avec Camille Combal. Le matin, ils vont faire Touche pas à mon sport version Cyrilona, etc. Et ça dure pendant 3 jours comme ça. Il va dormir, je pense, pendant les pubs. Mais, ouais, ça va sniffer de la coque. Hein. Ouais, je crois bien. Bah après, à mon avis, tu sais, c'est préparé. Ça, c'est pas comme nous, comme les 24 heures, on a vraiment pas dormi pour le coup. Mais lui, à mon avis, les pubs, ça dure longtemps. Ouais, sauf que nous, on s'est pas trop préparé. Hein, on s'en est pris plein la gueule. Ouais, ouais, c'est vrai que 24 heures, nous, c'était à la déjà fin, compliqué. On, les épaves, j'étais en train de chier. On pouvait plus, j'étais tout trop mais là, 35 heures pour le coup, ça m'a l'air un peu. Bah, c'est pas grave, on lui battra son record à puer. Hein. De quoi? On battra son record. 48 heures. Pas de soucis. Ouais, 48 heures, bah toi fais-le, toi t'as même pas de. Bah déjà les 24 heures, t'as pas tenu. Ah bah tu les as pas tenu. Lui il bat le record du monde de dormir lui. Vraiment à deux pour tenir 24 heures, on était qu'à deux avec Alex. Ah ouais. Mais moi j'étais levé depuis 6 heures du matin. Bah, et bah, nous on était levé depuis quelle heure gros? Ouais, bah, et connard. Moi je revenais de vacances, j'ai tapé je sais pas combien d'heures de route. Bon voilà, en tout cas, reste avec nous en tout cas jusqu'à 22h, on est là. Jusqu'à 23h, on est là et tout de suite à 22h01, le cul. Oh yeah. Vas-y tonton Magné. Je suis prêt. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Tape-moi dans le fond, je suis pas ta mère. La rubrique sexe de Tonton Magné. Maintenant, on est là. Et croyez-moi, il est pas là pour vendre des cravates. Hein. Ah, je peux vous dire que ce soir, la rubrique est très chaude. Mais... Arrête. Salut, c'est Johnny. Salut, ce soir, je vais envoyer du lourd, bébé. C'est Johnny Cadillac ce soir. Arrête de parler comme ça, gros. Arrête mon bouton. Tiens, je vais vous faire dépucer le trognon, quoi. Allez, on t'écoute ce soir dans Rubik Sesque. Bah, je joue ma musique avant déjà. Hein? Ah oui, parfois. 1, 2, 3, 4. Tonton Magné, c'est qui? Tonton Magné, c'est lui. Tonton Magné. Le voilà, allez, il a toujours pas compris que ça fait au moins 15 fois que je chante la musique. Bah non, mais j'essaye de le retenir, mais. Vas-y, on peut la refaire là, je vais essayer de. 1, 2, 3, 4. Tonton Magné, c'est qui? Tonton Magné, c'est lui. Ah, mais non, bah non. Parce qu'en fait, le seul espace, c'est qui? Et après, c'est lui. Et le voilà. C'est Tonton Magné, c'est qui? Tonton Magné, c'est le. Ah non, bah vas-y, faites le son moi, ça va être la mort. Tonton Magné, c'est qui? Tonton Magné, c'est lui. Tonton Magné, le voilà. Ah, moi je peux faire le. Le voilà! À la fin, ouais. Ah, le voilà. Ouais. Oh bah. Ok, bon, enfin bref, vous avez compris, c'est Tonton Magné, c'est l'heure du cul. C'est pour faire passer 3 secondes en fait. Il y a des messages subliminaux dans ce message. Enfin bref. Bon, je peux y aller? Oui, je t'écoute. Bon, ma première question. En fait, deux hommes ont joué au jeu de qui a la plus grosse. Et. On joue. Ah, j'en ai entendu parler. On joue. Je préfère préciser que ces deux personnes étaient complètement ivres. Ah, j'en ai entendu parler. Qu'a fait le gagnant au perdant? Il a coupé la hache, il a pris la hache de le mec, il a coupé avec sa bite. Il a coupé non, de quoi? Il a coupé la hache du mec avec sa bite? Non, c'est l'inverse. Il a mal pris, il a pris une hache, il a coupé la bite de son pote. Ouais. Je sais, c'était marqué, je vais m'en parler et ce soir. Je vous rassure que toutes les questions que je vais poser ce soir ne se sont pas passées en France. Ce ne sont pas des faits qui se sont passés en France. Ah, mais vous regardez pas l'émission avant TPMP pour avoir tous les trucs comme ça, non? Ah non, du tout, moi c'est ma rubrique. Il tranche le pénis de son ami à la hache après avoir perdu un concours de celui qui a la plus grosse. Voilà, ils étaient ivres. Exactement. Ah bah je peux te dire qu'à mon avis, il a dû la sentir. Bah je pense que bien, ouais, effectivement. Il a dû la sentir. La bite ou la hache? Bah, il a dû sentir la hache et après, plus la bite. Non, mais t'imagines comment une soirée peut partir en cacahuète parce qu'il devait rigoler en ce moment-là. Il devait se rigoler. Ouais, Alexis, on a déjà fait des soirées ensemble, on a déjà bien bu, on a jamais eu des idées comme ça. Quand même. Non, mais t'imagines, non, mais il devait rigoler en l'espace d'un instant. Déjà sorti la bite quand même. Non, mais pas de là, c'est la coupe. Ouais, celle de Monnier, je l'ai vu 40 000 fois. Il monte la bite à tout le monde quand il pourrait. Comme par hasard, Ben il rigole bien. J'inaugure des capots de voiture par exemple. Il pose sa bite partout lui. Voilà, vas-y, on t'écoute la suite. La deuxième question, en fait, cet homme a été condamné à 2 ans de prison, c'est en Angleterre. Pourquoi a-t-il été condamné? Attends, tu peux répéter la question, j'ai pas entendu. Cet homme en Angleterre a été condamné à 2 ans de prison pour ses faits. Quels sont ses faits? Il s'est masturbé sur une place publique? Non, bah non. Il s'est branlé sur la photo de la reine? Non, en fait, ça, pour vous donner un indice, ce sont ses voisins qui ont porté plainte. Ouais, il a montré sa bite à sa gamine, non? Non. Il tondait son gazon tout nu? Non. Ouais. Je sais pas, il a fait un. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à son sexe ou pas? Bah, c'est forcément une rubrique sexe. Non, mais je sais pas, peut-être que ça peut être. Je sais pas. Non, bah, en fait, c'est ses voisins qui ont porté plainte. Parce qu'il y avait pas de rideau chez lui, des choses nudistes, qu'ils entendaient. Par rapport à des choses qu'ils entendaient. Je sais pas, il niquait des poules et ça faisait trop de bruit dans le quartier. Non, c'est plus simple que ça. En fait, je vous donne la réponse. Ah, le champagne! Je vous donne la réponse. En fait, il a pris 2 ans de prison en Angleterre parce que ses voisins ont porté plainte parce qu'il faisait des parties de jambes en l'air où le bruit était très, très, très, très fort. Ah ouais, d'accord. 2 ans de prison pour ça. À 2 ans de prison. À 2 ans de prison parce que c'est abusé, hein. Ah, je peux vous dire que c'est il était prévenu au moins, tu vois qu'il était prévenu, il peut... ils ont plusieurs fois la police a été toquée chez lui et il a continué à prendre madame. Après on rigole, mais c'est comme un tapage nocturne, hein. Ça arrive à plusieurs reprises. Enfin, 2 ans pour un tapage nocturne. Ouais, j'avoue que 2 ans c'est un peu. Ouais, ça fait beaucoup. Après, on sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, le mec, quand les flics sont venus, ça coûte cher le coup de fesse quand même. C'est parti en cacahuète quand c'est arrivé, quoi, tu vois. Mais d'accord, 2 ans c'était où? Ouais, 2 ans c'était en Angleterre. Angleterre, ok, d'accord. La troisième question. T'as le fou mal, hein? Ouais, bah c'est pas évident. Sa meuf, elle se faire sauter ailleurs. On t'écoute. Un vieux a été renvoyé de sa maison de retraite pour ses faits. Quels sont ses faits? Il a voulu violer toutes les vieilles de la maison de retraite. Non, bah non, quand même pas. Il revendait quelque chose pour se payer quelque chose. Je vous donne un indice. Bah, il revendait des cachetons pour s'acheter du Viagra? Non. Non. Non. Il a vendu des capotes? Non. Il a vendu du Viagra? Non. C'est quoi? Il revendait de l'alcool au noir pour se payer. Des putes. Des putes, bonne réponse. De quoi il y a des putes en maison de retraite? Ah non, il revendait. En fait, il voulait baiser ailleurs, quoi. Il revendait de l'alcool au noir. Ouais. Et il allait pendant ses périodes de permission, il allait aux putes, quoi. D'accord, ok, ouais. Ah ouais. Ah bah alors, bah y a pas de. Il revendait de l'alcool. Et ouais, en fait. Oh, le chacun, il a trouvé le filon. Ah bah, je peux te dire que. Ah, mais il devait se faire des couilles en or, c'est clair. C'est clair. Ok, d'accord, ok. Là, je vais passer un peu plus. Pour l'instant, il y a une petite couille d'or pour notre ami Ben, là. Ouais, c'est clair. Un petit point pour notre ami Ben, ouais. Là, je vais passer un peu plus dans le gore. Ah bah justement, okay, là ma partie. Ouais. Qu'a fait un homme qui croyait être cocu? Il croyait être cocu. En fait, il a fait quelque chose à sa femme car il croyait être cocu. Il a brûlé sa bagnole. Non, c'est gore, Alexis. C'est gore. Ouais. Il lui a recousu l'entrée du vagin. C'est pas loin. Oh putain, non, c'est pas loin. Il a graffé l'entrée du vagin. C'est pas loin. Non. Il lui a collé l'entrée du vagin. Il a collé le vagin de sa copine avec de la super glue. Oh le bâtard! Oh le salaud! C'est dégueulasse! Bah j'avoue, c'est pas mal, ça ferait rire. Ah, c'est salaud. Ça doit faire mal quand même. Mais t'as déjà eu de la colle déjà entre les doigts rien qu'une fois, c'est chiant quand même. Mais tu galères. Ouais, par contre, elle a dû souffrir, je pense, pour la retirer. Ouais, ça doit pas être évident. Ah, à mon avis. Et non, là, mesdames et messieurs. Et en plus, il croyait qu'il était cocu! Il croyait en fait. Ah, il croyait qu'il était cocu, il était même pas en fait. Hein. Ouais, il était surtout fou en fait, je pense. Donc au final, il a tout perdu le mec en fait. Ouais, c'est ça, il a perdu tout. Et surtout, c'est clair. Et la dernière, je peux vous dire que là, c'est la. Le top de top, là, le gore de chez gore. Là, c'est du gore de chez gore. Et je peux vous dire que c'est lui qui me donne la bonne réponse sur celle-là. Je lui donne le god d'or. Hein, ok. Hein. Non, je l'ai déjà. Non, c'est mort, tu le donnes pas comme ça n'importe qui. Écoute, je fais les règles que je veux pour ma rubrique. Écoute, maman, aidé de toi. Attention. Un homme. Un homme a été jugé pour ses faits. C'est quelque chose qu'il a fait à sa partenaire sexuelle pendant une relation sexuelle. Oh, si tu me dis c'est gore, faut que tu imagines gore. Il a rentré un truc dans le cul. Non, c'est vraiment gore. C'est sa femme qui a. Bon appétit, hein, pour c'est sa femme qui a porté plainte à la suite de cette relation sexuelle. Ah, donc elle est pas morte, donc c'est gore, mais. Elle est pas morte, mais elle est bien abîmée, on va dire. Et il lui manque des choses. Il lui a mis la main, il l'a vidé, non ? Non, il a coupé ses seins. Ah, c'est pas loin, c'est pas ah, loin. Il a. Il a électrifié ses. Il a mis ses couilles à la place de ses. Je pense pas que vous avez trouvé, mais. Ah, bah si, attends. Il a fait une séance de bondage, il l'a mal attaché, elle s'est décrochée. C'est par rapport au sein. Ah, c'est pas rapport au sein, il a. Il lui a arraché les tétons. C'est pas. C'est proche, mais. C'est il lui a bouffé les tétons. Je vais donner le point à Al, mais c'est plus précis que ça. Ah. En fait, il lui a mordu le téton et l'a avalé. Bah ouais, bah c'est ce que j'ai dit, il lui a bouffé les tétons. Non, non, si, bah si, il lui a bouffé les tétons. Non, il lui a mordu et ensuite avalé, il l'a pas mordu. Mais il l'a bouffé. Il l'a avalé, il l'a pas dégusté. Bah, mais après. Il l'a avalé. Ah, pardon, monsieur culinaire là. Il l'a avalé. D'accord, ok, c'est où il a composé combien de premières prisons lui? Comment il a copié j'ai pas le. Ah, j'ai pas le il est parti en prison. C'est en cours. Ah ouais, un peu comme nous. Allez, vas-y, tu veux. D'accord. J'en ai une petite dernière. Ah, bah vas-y. Elle est bidon, hein. Elle est bidon. Je la fais quand même. Oui, ouais. Ah donc, j'ai toujours le gold d'or. Bah attends, je vais faire les calculs à la fin. Hein. Ah bah vas-y. Ouais. Une femme demande le divorce pour cette raison. En fait, une femme a demandé le divorce. Parce que son mari était en train de baiser les chèvres. Non. Pourquoi qu'est-ce que t'as avec les chèvres? Je sais pas moi, j'en sais rien. Il devient zoophile. Il a un problème. Il a un problème ce mec-là. Quoi, tu t'es jamais tapé une chèvre? Bah non. Bah merde. Toi une vache mais pas une chèvre. Moi mon chien, mon chien. Qu'est-ce que c'est une chèvre? Ouais, il abuse pas. C'est ce qui fait, c'est ce qu'on prend pour faire de la vache qui rit. Non, c'est pas de la chèvre, non. C'est la vache. Non, bah parce qu'il est trompé avec sa voisine. Non, bah non, en fait c'est un truc vraiment bidon. Hein. Je sais pas, Ben. Sa femme se masturbait trop sans lui, donc. Non, c'est la femme qui a porté plainte. Ah, la femme. C'est la femme qui a demandé le divorce. Parce okay, que bah, son mec regardait trop de porno. Non. Un indice. Un indice. Bah c'est par rapport au sexe. Non mais au sexe, l'engin. Ah d'accord, ok. Ah parce que son homme en avait une trop grosse. Bonne réponse. Par contre, mesdames, si vous avez entendu cette rubrique, faudrait savoir, petite ou grosse. Mais elle avait quoi? Elle a porté plainte contre lui? Non, elle a demandé le divorce parce que son mari lui faisait mal lors de la pénétration. Il avait un trop gros kiki. Ok, ouais. Ah ouais, d'accord, complètement. Ouais. C'est un peu bizarre quand même. Ah, écoute, ça vient des États-Unis. Hein, y a rien de bizarre. Mais ça passe aussi ça pour un cas de divorce? Bah aux États-Unis il y a plein de choses bizarres. Ah non, mais bah après tu peux avoir d'autres choses. Ouais, mais dans ces cas-là tu peux divorcer de ta femme parce qu'elle a un petit clito ou tu ressens rien quoi. Ouais, mais ça c'est n'importe quoi, ce qu'elle s'est mis avec. Il a pas changé de taille. Ah, non, mais c'est peut-être quelqu'un qui a eu sa première relation à la suite du mariage. On sait pas, c'est peut-être quelqu'un de bonne profession. Ouais, y a pas que des salopes, hein. Hein, y a pas que des salopes dans la vie. Y a donc ah, mais on est en 2016, hein, mec. En tout cas, la meuf, c'est une salope. Après avoir attendu, et puis après, au final, le divorce. Parce que le mec. Ah, c'est peut-être dit avec les années, ça va se dilater, mais non, quoi. Il a pas envie de souffrir toute sa vie, et ça peut se comprendre. Bon, restez avec nous, en tout cas, on est en direct, évidemment, jusqu'à 23h. On est là, on bouge pas. On se fait quoi, tiens? On se fait Shai, j'adore ce son. PMW, on est là jusqu'à 23h. Bonne soirée, bon courage à tous ceux qui partent travailler là. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne. On se fera un peu de foot là dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent engranger. K.O.2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma URI si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchons dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million. Et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la de blême pour. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous Allez, bonne soirée, le son de Chat à l'instant en direct évidemment jusqu'à 23h. On est là, on bouge pas. Jusqu'à 23h. Antenne. Merci d'être avec nous, en tout cas on est là, on bouge pas évidemment. Je suis français, ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Alors vous avez vu que, je sais pas si vous avez fait attention, j'ai fait juste là tout à l'heure sur le portable, j'ai regardé. Apparemment W9, ils ont retiré le, ils ont flouté le t-shirt de Black N dans ouais, ce clip là. Ouais, ils ont censuré, ouais, c'est ouais, en train parce de faire que un foin, ouais. Parce que c'était marqué, je sais pas, sauver un pote à eux, là, je sais pas quoi, sur son t-shirt, tu l'as vu? Sauver Willy. Non, okay, non, non, c'était pas courant. N'importe quoi, oui, Willy, Willy est mort. Willy Rapid Dance. Ok, dégâts à lui qui nous écoute ce soir. Qu'est-ce qu'il y a Lance vient d'égaliser. Ah, de partout alors. Ouais, voilà, de partout. Là là. Ah là là. Là, j'adore quand il parle lui. Mais bon, voilà, en tout cas, Lance peut... Qu'est-ce que ça donne, ouais, qu'est-ce que ça donne par contre pour Séville et Real qui vient de démarrer depuis un quart d'heure? Attends, je vais te le dire. Ah, lui, tant que ça te rejoint, le déconne. 0-0 toujours. Ah, 0-0, avec la tête au toto. PSG Dijon. Toujours 2-0. Ah, 2-0. Ok, presque la fin en plus, là, je pense. C'est 55 minutes. Ah ouais, ok, c'est pas encore fini. Ok, ouais. Je voulais juste faire une petite dédicace, c'est possible ou pas? Ouais, bien sûr. Bah, attends, ah. Allez, est-ce que t'as la même que moi? Parce que moi, je l'ai pas encore faite. Ah non, non, non, moi, c'est. Non, non, non. Ah, c'est okay. Perso? Non, c'est... non, mais c'est pas. C'est pas... C'est pas forcément perso, mais c'est pas des gens qui m'ont contacté via Facebook. C'est ah. Ah, excuse-moi si je suis suivi sur les réseaux. Non, je fais une dédicace à tous les potes de l'US Gravine et plus particulièrement à Matug. Mon compère du bar de l'Est. Il devait pas venir ce soir, tu nous avais pas dit que. Non, mais. On a acheté un stock d'alcool. Oui, je sais, non, mais je leur ai dit, mais je peux te dire que le jour où ils vont venir, ton frigo il va faire gueule up. J'en ai rien à foutre. Non, mais il y a intérêt d'avoir du stock. On sera prêt ce jour-là. J'espère bien. D'ailleurs, je fais une dédicace à mon compère de bar. C'est celui qui est toujours à côté de moi, qui suit à la sécurité, etc. Donc, Ah ouais, ça part en couille là-bas. Ah bah, il faut faire attention, tu sais. L'alcool. Bah, l'alcool, là. Ah, c'est ravage. Jusqu'à 23h, on est là, on bouge pas. Le top ou flop? On l'a lancé hier, évidemment, toute la rubrique. Est-ce que c'est plutôt top? Est-ce que c'est plutôt flop? Eh bah, explique... là, on peut faire un top. Hein. Parce qu'il faut, comme tu dis, il faut tout expliquer aux auditeurs. Il y a ah Fanny, oui, attends, ouais, faut expliquer. Fanny qui vient de nous rejoindre dans les studios de la radio, qui fête son anniversaire, donc qui fête, on peut dire l'âge, hein. Qui fête ses 47 ans ce soir. Ah. Et bah, qui nous a ramené une petite coupe de champagne et un petit morceau de. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Est-ce que tu peux prendre juste le micro qu'a juste, tu as parlé en direct dans toute la radio, hein, c'est pas grave. Fais attention, tu fais stick, y'a personne qui t'écoute et puis. Ah bah ça y est, ah, le matériel il est cassé. Le micro et tout, il casse le micro et tout, mon Dieu. C'est pas grave, ne stresse pas, t'inquiète pas, il y a des gens qui t'écoutent, mais fais attention. Hein. Non, de toute façon, il y a que ta mère et ma mère en fait. Ouais, ouais, et puis mon frère est parti faire manger donc ça, ah, bah, c'est... il écoute plus. Ah c'est, si, il y a la mère Ben aussi qui nous écoute. Ah ouais, André. Elle vient de m'écrire. Dédicace à André. Dédicace à André, ouais, c'est ça. Elle t'a envoyé quoi? Tu me manques. Non, elle m'a dit Ben, je t'ai filé que 13 clopes. Arrête-toi. Oh, c'est bon, je peux. Voilà. Fanny, c'est ça? Oui, salut, pour rectification, c'est 37 et pas 47. Ok, bon, bah salut. Ah bah c'est pas ce qu'on m'a dit. Bonne soirée, salut. Bon, bah toi, comment ça filme, Gary? Ça va bien, Fanny, la forme? Ça va, ça va. Bah bon anniversaire à toi. Bah merci. Ça te fait quel âge, genre du coup 37, c'est ça? Ouais, 37. Ça fait quoi d'être aussi vieille que ça? Non, non, je suis pas si vieille que ça, je me sens encore jeune. Si, dans si, tête, on sent au lit, on commence à être fatigué, on commence à avoir des souffles. Ah, mais ouais, mais on fait plus non, les non, mêmes soirées. Je suis grande sportive, je fais beaucoup de sport. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai encore la ligne il y a 37 ans avec mes enfants. Ça va. Slim Fast? Avec un petit peu d'abdos sport élect? Des abdos, des pompes, tout ce qu'il faut faire pour être resté en. Tout naturel, pas électronique. Rien d'électronique, ça. Avec les appareils et tout. Non, non, pas d'appareil. Du régime quand il y a besoin. Ah, nous aussi, on est des grands sportifs. C'est bien? Tout bien? Ouais. Oh, merci en tout cas d'être avec nous en direct évidemment jusqu'à 23h. En tout cas, bon anniversaire, profite bien de ce jour évidemment jusqu'à minuit. Ah bah plus longtemps hein. Et bah maintenant qu'on a fait la dédicace, et bah Top ou Flop arrive dans moins de 3 minutes. Restez avec nous en tout cas en direct, on est là, on bouge pas. On parlera aussi, on fera peut-être un canular tout à l'heure aussi dans quelques instants. Ouais, sans que tu parles derrière. Oh, la question du soir, avez-vous déjà rencontré un problème avec vos voisins? On va parler de voisins. Oh, beaucoup de réactions là sur le sujet là tout à l'heure, on en parlera. Si vous avez eu des problèmes des voisins, bah n'hésitez pas à réagir, envoyez un petit message en privé, on vous appelle là en direct si vous voulez réagir par rapport à ça et par rapport à vos voisins. Il y a beaucoup de réactions par rapport à ça, on en parlera évidemment dans quelques instants. On va parler un petit peu sérieux, on va faire un peu de sans aucun doute en direct là jusqu'à 23h. On est là, on bouge pas, on sait quoi. Ah, c'était pas Julien Courbet, sans aucun doute. On se fait ça, bah si, non, c'est mais non, c'est pas sans aucun doute. Si, c'est sans aucun doute de régler les problèmes avec les gens là. Julien Courbet, c'était sans aucun doute. Bah, si, il y avait eu aussi sans aucun doute Stéphane Plaza qui faisait ça sur la 6 avec non, mais je te parlais avant sur TF1, sans aucun doute, il faisait au soir là qu'ils appelaient les voisins et non, c'était pas sans aucun doute. Bah non, sans aucun doute, c'est ceux qui réglaient les problèmes, mais de tout, c'était pas. Ouais, cool. C'est avec ça aussi dedans, il y avait ça aussi dedans. Bon, enfin, tu m'as compris. Baisse d'attente, s'il te plaît. Non, c'était pas ça, attends, je vais. Jusqu'à 23h, on est là, le tout nouveau Zara Lanson qui débarque dans quelques instants. J'adore ce son, hein, il est bien. Fort.

Allez, bonne soirée, le tout nouveau Zara Lansoni dégomme, hein, jusqu'à 23h, on est là, on bouge pas. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne, sur on bouge pas évidemment, un petit point foot avec notre ami Ben. Qu'est-ce que ça donne en direct, le temps qu'il renouvelle sa 3G? Il fait Alex 3G, il est au bout du rouleau. Lens gagne 3-2. Hein? Lens gagne 3-2, voilà. Ah, t'as vu, j'avais un pressentiment que le foot il fallait en faire un petit c'est peu. Grâce à Quentin François. Il est content du coup, le sourire. Ah, carrément. Ah, c'est notre ami Quentin qui d'habitude qui était là mardi dernier. Il est là-bas, Lens. Il a dû vibrer à la mi-temps quand il a entendu Dominica avant le match. On essaiera peut-être d'appeler Quentin tout à l'heure à la fin du match pour savoir son ressenti. Il sera à la friterie sans sas. En tout cas, et qu'est-ce que ça donne de PC, d'autres matchs, qu'est-ce que ça donne? Le PSG gagne toujours 2-0. Oh, s'en fout du PSG en même temps. Ah mais si. Non, et... on s'en fout. Oh, non, mais ah mais si, les gens ils écoutent. Et le derby Séville Real Betis toujours 0-0. Ok, d'accord. Merci à toi. Top ou flop évidemment. Est-ce que c'est plutôt top? Est-ce que c'est plutôt flop? Est-ce que Mani, est-ce que tu peux réexpliquer? Est-ce que hier Jojo il avait du mal à comprendre cette rubrique? C'est pas oui, hein, c'est pas non. Si pour expliquer à Ben, parce que Ben. Oui, bah en fait c'est parce qu'en fait il y a une rubrique qui est assez, on va dire, similaire, comment elle s'appelle déjà, celle que c'est quoi la rubrique juste avant qu'on faisait? Info Intox. Oui, Info Intox. Et en fait, top ou flop, c'est pas la même chose. Top ou flop, on demande pas si c'est oui ou non en fait. On demande juste si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Mais c'est forcément vrai. Voilà. Donc, Info Intox, c'est vrai ou faux? Quelle belle explication. Comme TPMP quoi. Bref. Voilà. TPMP. Ok. On s'inspire peut-être des meilleurs de toute façon. Ouais, voilà. Quelle explication, merci. Pas de soucis, moi je suis là pour tout ce qui est intellectuel, j'interviens. Non, côté intellectuel c'est Ben. Hein. Ah, pardon. Bah oui. Top ou flop, Canal Plus va lancer des abonnements à moins de 10€. Est-ce que c'est plutôt top, est-ce que c'est plutôt flop? Parce qu'ils sont en baisse de ouf, hein, Canal Plus, en train de se casser la gueule. Ils ont plus rien. Casser la gueule, truc de ouf. Hein. T'imagines 10€ alors qu'ils sont à 35€, 30€, 35€. Moi je parle en connaissance de. Pour moi ça sera un flop. Moi je parle en connaissance de. On va dire du domaine sportif. Ouais, par exemple pour le football, ils ont plus rien du ils tout. Ont perdu des contrats ils en ont sport, perdu. Ouais. Parce qu'avant c'était Canal Plus, tu louais rien que pour regarder le foot en fait. Voilà, c'est ah, non. Avant Canal c'était pour le cul. Hein. C'était ouais, une fois pour moi. Non mais ils ont tout perdu. Parce qu'avant ils avaient la fiche du dimanche soir, c'était uniquement sur Canal. Ils ont encore. Ils ont plus que ça en fait. Ce qui s'est passé c'est que Beansport a racheté tous les championnats principaux. Et en fait, ils avaient encore l'année dernière la chance d'avoir la Barclays Premier League, la ligue anglaise, ouais, qui marchait du feu des dieux. Et elle a été rachetée par SFR. Donc maintenant ils ont la Ligue 1 et la Ligue 2. Ah okay. Bah si on pouvait éviter de parler des SFR en même temps. Ouais, non, mais ils rachètent tout, mais au niveau service clientèle c'est de la merde. Hein. Bah, au niveau réseau téléphonique c'est de la merde. Hein. Non, mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais parce qu'en même temps c'est vrai qu'ils sont en train de décoller Bein Sport, mais Bein Sport c'était racheté par le Qatar. C'est pas le Qatar. C'est des Qataris qui tiennent Bein Sport. Ils ont le pognon. Ils peuvent racheter tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça leur coûte Bein Sport? En plus ils ont cartonné avec l'euro. Putain. En plus Bein Sport est depuis que la chaîne est lancée est déficitaire. Mais c'est pas leur eux c'est pas leur intérêt forcément de faire du bénéfice. J'ai l'impression que leur intérêt c'est un peu de faire le monde. Ouais, par contre, dites pas de mal le Canal Plus. Il y a quelqu'un dans le public qui travaille pour Canal Plus. Ouais, parce qu'on a un centre d'appel, c'est ça. Ah, tu vends des trucs à Canal Plus. Elle vend des abonnements Canal Plus. Ah, tu vends des abonnements Canal Plus. Ah, bah tu sais, alors c'est pas une connerie que je dis que c'est vraiment ça l'intérêt. Au cœur de l'info. Hein. Ouais. Mais top ou flop, flop pour toi? Flop, ouais. Ok. Flop. Bah, pourquoi? Pareil pour le côté sportif. Ouais, toujours. Les gars, il n'y a pas que le sport dans la vie. Moi, j'ai Bein Sport. Niveau t'as Bein Sport? Ouais. Ah, toi aussi, t'es un pigeon qui l'a loué pour l'euro, non? Non, mais. Du coup, t'arrives plus à envoyer le recommandé pour le faire. Non, parce qu'en plus, contrairement à ça, Bein Sport, c'est mieux que Canal Plus. Parce que recommandé, Canal Plus, t'as une date anniversaire. Si t'as pas renouvelé avant la date anniversaire, t'es engagé pour un an. Alors que Bein Sport, tu peux stopper, c'est sans engagement quand tu veux. Après, l'avantage à Canal Plus, il n'y a pas que le foot, il y a des putains de bons films. Voilà, oui. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ils ont des bons films, Canal Plus. Canal Plus ont des bons films, mais avec maintenant C8 qui est arrivé, je trouve que C8 ils mettent beaucoup plus de bons films le soir sur C8. Le problème c'est que pas après tout je m'en repose, hein. Des fois c'est commissaire Bernardi. non je parle pas de l'après-midi, je parle du soir. Non mais je te parle du soir aussi. Bah, le soir après tout je m'en repose, il faut des trucs de merde genre. Et t'es dingue en ce moment, il y a des bons films d'action. Le week-end le samedi soir, je sais pas, mais bon. Non, après il y a des bonnes séries, mais le problème c'est qu'il y a des bons films aussi, mais le problème c'est que t'as plein de trucs qui viennent sortir, genre comme tout ce qui est Netflix, etc. Ils ont des bons trucs aussi et c'est moins cher. Donc pour moi c'est trop tard. Il fallait baisser les prix avant. Ok, flop pour toi Ben, top ou flop oral? Ouais, flop, c'est parce que c'est pareil, ça me trouve le cuit de payer pour regarder une chaîne alors que t'en as plein de gratos. Ouais, mais après, pourquoi tu joues Ben Sport? Parce que t'as des trucs que t'as ouais, pas mais sur là, c'est une chaîne spéciale, spéciale film, spéciale sport, pardon. Mais maintenant, avec les abonnements box et tout, t'as assez de chaînes pour éviter d'en repayer une complémentaire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Canal, tu vas. Ok, t'as des bons films, mais pas tout le temps non plus, c'est pas H24. T'as d'autres chaînes maintenant, de la TNT, voilà, t'as assez de choix quoi. En plus, les guignols c'est devenu bidon, alors c'est bon. Ouais. Il y a encore les guignols, c'est vrai. Ouais, enfin, c'est plus. Et moi, je suis de la génération Canal avec Eric Ramsey, avec Jerry Lewis et tout ça. Est-ce qu'il y a encore Roland dessus? Non. Groland, ça existe encore ça? Ouais, ça existe encore Groland, c'est marrant ce Groland encore. Bah, c'est le seul truc qui doit rester de bien en fait sur ça. C'est un bon délire ça, Groland. Ouais, c'était pas mal. Hein. Mais ok, d'accord, donc flop pour vous. Ils vont construire un hôtel sous l'eau. Ça va arriver bientôt prochainement. Ils vont construire carrément un hôtel sous l'eau et bientôt une ville sous l'eau. C'est réel, hein, c'est pas une connerie. Top ou flop à votre avis? Bah, flop parce que. Ça va être genre 2-3 000 euros la nuit. Qui va pas rester longtemps. Genre 2-3 000 euros la nuit, hein, c'est vraiment un truc de ouf. Hein, c'est vrai en plus, hein, c'est vraiment un hôtel complètement. Ils sont en train de regarder comment ça va. Flop. Donc à votre avis, flop. Du flop. Temps où j'étais jeune, moi j'ai connu la cité Atlantis et ça va pas durer longtemps. Non mais c'est vrai, c'est pas une connerie. Hein. Non mais va voir. Ah vrai. Mais mon nom. Ils veulent. En fait, ils disent que il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'eau en fait sur Terre. Et ils veulent justement commencer à construire. Ah bon, il y a beaucoup d'eau. La Terre, elle fait pareil. Il y a 80% d'eau sur la Terre. Non, 75% exactement. Il faut construire. 80. Bon, j'ai bossé la chronique. Hein. 75%. Et justement, ils sont en train de construire petit à petit des villes sous l'eau en fait. Flop. Et, hein. Flop. Pour l'hôtel déjà, pour revenir à l'hôtel, flop. Bah flop, c'est pas plus sur le côté esthétique, etc. Ok, il y a de la en place. En tout cas, vous pouvez voir les photos. Il y a une vidéo d'une photo d'une chambre où ça va. En fait, ça fait comme un aquarium en fait au bout et c'est pas mal. Non, pour moi c'est pas sur le côté esthétique ou sur le côté de gain de place que pour moi ça sera un flop. C'est surtout au côté que t'arrives dans un habitat naturel, tu vas niquer plein de trucs plein de différentes sortes de poissons, ouais. Pour tout ce qui est écologique et tout. Ouais, mais avis, ça c'est pareil. Et là quand t'es sur Terre c'est pareil. Hein. Ouais, mais là à mon avis c'est non, à mon avis c'est non écolo, non à mon avis c'est. Oui, j'ai Bardo. Oh, pour moi c'est moyen quand même. Manier Bardo. Bah après, ouais, mais après il y a pas mal d'eau, mais ouais, après ils vont être perturbés les animaux, c'est sûr. Bien. En nos espérant amis. Que c'est bien. Et je vais pêcher où moi après? Je vais plus pouvoir la jeter là. Hein, Brigitte Bardot. Ben. Moi je pourrais dire top. Ouais, t'aimerais bien toi? Ouais, franchement. Par le pognon. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. C'était vite très prendre des bains. Parce qu'à mon avis, c'est cher, c'est 2-3 000 euros, j'ai vu la nuit. Enfin, ils ont déjà fait les tarifs. Niveau tarif, ça doit être cher, mais niveau visuel. Ouais, moi j'aurais peur que ça parte en couille, moi. Tu vois, t'imagines, il y a une fissure et tout le bordel, là, t'es mort. Hein. Ouais, juste pour voir des poissons sous l'eau, tu vois, Nausicaa, c'est pareil. Ok, merci. Faut bien payer 3000 euros. Non, parce qu'après, c'est le délire, tout ça, mais je pense que tu dois être compressé. Enfin, après, à mon avis, ils sont spécialisés dans ça, mais. Bah, donc, après, c'est peut-être con, après, c'est pas une grande nouvelle, mais. Top pour toi ou flop, Al? Ouais, franchement, non, bidon. Bidon, s'en fout. Flop. Il y a mieux à faire que de construire des villes sous l'eau. Quoi. C'est vrai qu'il y a mieux à faire, ça c'est vrai. Il y a mieux à faire comme, je sais pas, guerre à le cancer, je sais pas. Dorothée, bientôt de retour à la télévision. Ah, avec Cyril Hanouna qui veut relancer le club Dorothée sur ouais, exactement. C8. Est-ce que c'est top ou flop? Dorothée, si vous avez connu, bah, maintenant les auditeurs sont assez jeunes. Mais Dorothée. Ah non, regarde, on a des vieux là ce soir. Ah oui, bah oui, Fanny qui fête son anniversaire en direct des studios. Fanny qui a 37 ans. Merde. Vous avez connu Dorothée? Vous avez connu Dorothée? Ah bah voilà, de retour à la division peut-être. Hein. Est-ce que top ou c'est flop pour Tonton Manier? Flop. Ouais. Ah non, non, c'est top ça. Bah pour moi c'est moi, flop. Je pense c'était, qu'elle est bien, c'était bien il y a 30 ans. Moi je pense, je vois mal Dorothée qui parle de hashtag et tout le bordel. Enfin, oh, après Dorothée, c'est mon avis, c'est hein, mais bon, moi je vois mal qu'il soit dans le coup du live vidéo Facebook, du machin. Eh mais voilà, bah, comment voilà, ils ont parlé. Qui maintenant fait des vraies émissions pour les jeunes? Bah pour les gamins, pour. Gulli. Bah non, ouais, mais non, c'est que bah, du si, mais il y a vraiment pas de si, grosses émissions. Si, pour les gamins, Gulli, qui sont dans délire, Gulli, les animateurs. Gulli font même des émissions, ils avaient des familles, ils font gagner des jeux et tout. Aussi. Ouais, si, mais si, Gulli, tu connais pas. Bah, moi, je connais pas les animateurs. Tu parlais de Dorothée à l'époque, ouais. Tout le monde la connaissait. Mais non, mais les animateurs. Mon petit frère de 18 ans, il connaît Dorothée. Ah, mais il y aurait eu les dessins animés de l'époque, là maintenant. Ton petit frère, il aurait kiffé. Ouais, peut-être. Il y avait Dragon Ball Z, gros, à l'époque. Après, les animateurs de Gulli, Olivier Tom. Oh, il y avait Olivier Tom. Il y avait. Comment attends, il y avait. Ils sont toujours en forme. Tom, Olivier. Il y avait. Voilà, il y avait Goldorak. Super entraîné. Il y avait Ken le survivant. C'était vachement gros. Il est parti dans une génération. Génération top 50 avec Al. Et numéro 1 des tubes des ventes des mondes minuit. Il m'entraîne. Il y avait Bioman avec Bernard Minet. Attends, ouais, moi, tu connais pas ça. Père Castor raconte-nous une histoire aussi. Père Castor raconte. Non, non, c'était bien après ça, Père Castor. Sans midi les zouzous sont français. Vas-y, connais midi les zouzous, ouais. Ben, il connaît, c'est parce que quand il se lève à midi, il est toujours dans le lit, il connaît ça. Lance gagne 4-2. Ah, bon, c'est la victoire de Lance. Je crois qu'il y a un penalty pour Lance. Deuxième penalty aussi, gros, il marque deux fois sur penalty, c'est la merde. Mais alors. C'est pas grave. Merci Kevin Gosselin de me mettre les images en direct sur Facebook. C'est bon, tu parles dans Facebook, toi. Pour être sûr, ça sert à quelque chose celui-là. Midi les zouzous, ah ouais, on a connu des midi les zouzous et debout les zouzous. J'ai regardé quand je rentrais à midi. Cette merde ou pas? Oui, c'est juste cette merde, c'est méchant, mais c'est. Maintenant, c'est des dessins animés remasterisés, genre c'est Oui Oui en 3D, c'est pas mal, hein. Ah ouais? Ouais, c'est pas mal. Ah, il y avait Oui Oui là, avec le klaxon et tout, gendarme oui, et tout. Oui, vas-y, Oui Oui. Oui Oui. Bah, alors toi, t'es pas de la génération Club Dorothée, t'es génération. Ah non, si, je connais la. Non, mais en fait, c'est parce que. Minicum. Non, je suis de la génération. Ah, Minicum. Moi, je suis de la génération Dorothée, mais j'ai eu une sœur qui avait 4 ans de moins que moi et un frère qui avait 8 ans de moins que moi. Du coup, au midi, je me tapais ça, tu vois. Minicum. Je me tapais tout. Ah, Minicum. Mélissa, nous ne pleurons pas. Oh, c'est ton vent pour toi. Waouh, c'était pas mal ça, c'était à l'époque. Hein. Ouais, bon, à l'époque, hein, si vous avez connu les auditeurs, bah voilà. C'était les guignols, les guignols pour les enfants. Voilà, exactement, c'était pas mal. Bon, voilà, en tout cas, grosse déception quand ça s'est terminé, ça tourne chialé. Je me rappelle encore quand ça s'est fini, je me rappelle. Bon, reste avec toi en tout cas. Donc, plutôt flop pour vous le retour de Dorothée, toi, Ben. Je la connais pas. Tu sais, moi, t'es le même point de vue. De toute façon, il connaît rien. C'est ce que j'ai dit. Il a parlé à Lara Croft, il connaît personne lui. Donc, ok, donc flop pour. Bon, enfin, je sais pas. Al. Non, non, moi j'irai top, ouais. Retrouver un petit peu. Après, faut savoir ce qu'elle va faire. Le délire de mon enfance. C'est ça, est-ce qu'elle va refaire dans le même délire ou va sortir un truc. Non, là, on va sortir sa chatte. Hein, à partir dans un délire. Village qu'elle a, ça va être moche quand même. Oh. Non, ouais. Les femmes bien conservées, la preuve. Bon, enfin, Dorothée, elle a pas 37 ans. Hein. À quel âge? Bon, elle doit être proche de la cinquantaine, soixantaine. Ouais, elle doit avoir bien 60 piges. Ah ouais, bah oui. La rubrique Grigny. Sur le site porno, la rubrique Grigny. Ah ouais, et c'est une ancienne. Hein. Vieux beurette. Voilà. Bon, bah, en tout cas, bah voilà, top ou flop en tout cas ce soir. Merci d'être avec nous dans quelques instants. On se fera le classement des sites les plus visités de France. On sera peut-être à Canulaire dans quelques instants. On va parler aussi des voisins là. Vous êtes très nombreux à réagir par rapport à ça. Vous êtes très nombreux par rapport à le sujet. Alors, on va en parler dans quelques instants. Attraper des boutons. Reste avec nous. Oh. Reste avec nous. Toi, t'as des problèmes avec des voisins, Ben. J'en ai eu un aussi quand j'étais petit, moi. Quand j'étais petit, c'est très drôle. Ah ouais, bon. Ah, on me donne des noms là, des années 80. Ok, bon. Attends, tout le monde connaît les années 80. Ulysse 31, ah ouais, pas mal. Nono, le petit robot. Jeanne et Serge. On en direct évidemment jusqu'à 23h. Juliette, je t'aime. Alex Librantaine, Selena Gomez pour la suite. Merci d'être avec nous. The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with and kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them, kill them, kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them with kindness. Go ahead, go ahead, go ahead now. We're running. Now. Bonne soirée, on est là jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous ce soir. Jusqu'à 23h. On est là. Pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. La sœur est belle, tu forces la bise. Je chante de... Merci d'être avec nous en tout cas en direct évidemment jusqu'à 23h. On est là ensemble, on bouge pas. Avec tous vos messages, hashtag Alex Libre Antenne évidemment. En direct avec, avec vous évidemment. On va parler d'un sujet là qui concerne un petit peu tout le monde finalement. Est-ce que vous avez déjà rencontré un problème avec vos voisins? Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes avec vos voisins? Je pense qu'autour de la table, il y en a eu beaucoup. Pour qui il se tape une barre lui? Ah, je vais m'énerver moi. Bah ouais, non, mais lui il rigole tout seul ce gars-là. Il rigole tout seul avec une fille du public là. Ben, ça va? Non, mais Ben, mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bon, lui. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a pour qu'il rigole tout seul? Complètement scindé. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec vos voisins? Et ben, il y a eu pas mal de réactions en tout cas sur Facebook cet après-midi. Qu'est-ce qu'on a comme message? À la demande de mon ancien voisin d'en face, j'avais le choix entre mettre un boxer ou fermer les volets. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est parce que t'as peut-être commenté, c'est peut-être par rapport à ça, non? Non, c'est pas toi. Non. Ok, Mathilde, ouais, j'ai un chien, c'est Terre-Neuve et madame déteste les poules. Alors elle s'est sauvée chez la voisine pour les bouffer. Résultat, la voisine s'est retrouvée avec zéro poule. Ah, ça, oh merde. Ah, ça c'est sale, ouais. Quand je mets la musique à fond, quand je baise, les voisins pètent à plomb. Quand je baise, les voisins pètent à plomb. Non, quand je baise, non. Non, quand je baise, les voisins ils pètent à plomb. Ah, ils baisent en musique. Voilà, oui, parce que quand tu fais des soirées, tu préviens normal, mais il suffit d'une fois et que tu préviens pas, tu te fais enculer profond. Mes voisins en dessous, la petite ne peut pas marcher dans l'appart et les chiens n'ont pas le droit de se gratter, ça gêne. Et quand je reçois chose très rare, j'ai pas le droit. Surveillance et nos faits et gestes quand on sort de l'appart. Ah ouais. Je pense qu'il savoir qui c'est ça, non? Hein? C'est qui? C'est pas Céline, non? Non, pas du tout. Non. Merci en tout cas pour cette intervention, Nidia. Pardon. Mais non, pas du tout. L'autre, il connaît tous les auditeurs là. Vas-y. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé, Ben? Est-ce que t'as déjà rencontré des problèmes avec des voisins? Bah, c'est pas vraiment un problème. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient mes voisins du dessus avaient un petit trisomique. Ouais. Du coup. On rigole pas. Non, mais. Oh là. Mais du coup, en fait. On rigole pas, mais le truc, comment il part, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Le petit, il sautait partout. Il criait tout. Pourquoi ça. Pourquoi tu rigoles, c'est pas marrant. Il criait tout ça. Et en fait, moi, c'est le matin, il me réveillait. Ouais. Ah, le matin, quelle heure? À 5h de l'après-midi ou quoi? Non, non, non, le matin de bonne heure, 6h, 7h. Et en fait, ah, bah, tu venais de te coucher. Ouais. Et en fait, des fois, je me réveillais dans la matinée. Ouais. Et pour me venger, je mettais la musique à fond. Oh, t'es méchant, toi. Là, tu peux pas faire le méchant comme ça. J'ai oublié ça. T'es dégueulasse. Là, tu vas te faire traiter sur les réseaux sociaux. Ah ouais, t'es dégueulasse. Ça commence déjà. Hashtag tuiben, quoi. Oh les bâtards. Ah, non, t'es dégueulasse, toi. Hashtag tuiben. Enculé, va. Non, ouais, j'avoue, c'est salaud. Ouais. Non, mais parce qu'on avait déjà prévenu de. Mais ouais, mais là, tu peux pas prévenir, mec. Ah ouais, mais bon, attends. Non, t'es dégueulasse. Non, honnêtement, t'es dégueulasse. Pourtant, tu connais, je suis un rude bâtard, mais là, franchement. Non, mais du coup, ils ont déménagé, donc ça va. Oh, super. Ah, ils ont déménagé à cause de qui? À cause de toi? Ils ont déménagé à cause de toi? Bah, je sais pas, ils sont à cause de toi. C'est dégueulasse, alors qu'un trisomique, ça vit 17 ans, il fallait être patient. Oh, t'es salaud, non! Non, non! Non! T'es salaud, non! C'est dégueulasse! On tient à s'excuser que, évidemment, c'était une blague, évidemment. Ah ouais, bah là, il est bien foncé, l'humour, parce que. Non, arrête, ça c'est. Non, pardon, excusez-moi l'audience. Non, bien sûr. Non, mais voilà. Bon, c'est un peu salaud, ouais. Ouais, ça arrive à croiser des gens handicapés, tout ça. Non, c'est vrai, il faut le respecter parce qu'il faut se mettre à leur place. Il faut toujours se mettre à la place de. Non, mais c'est vrai. Non, tu peux pas te mettre à la place d'un. Non, non mais il faut se mettre à leur place dans le sens où. Mais où tu peux pas, t'imaginerais comme ça. Tu contrôles pas. Non, mais voilà. Tonton Manier, t'es arrivé des problèmes avec des voisins, toi? Bon, en fait, j'étais petit, hein, j'avais 5-6 ans. Et en fait, c'était notre voisine qui était à l'époque alcoolique. Et en fait, ah non, non, non, mais arrêtez avec, non, arrêtez avec les maladies, c'est dégueulasse. Ça commence bien. Faut pas se foutre de la gueule des gens. Et donc, en fait, comme on dit toujours, la vérité sort de la bouche des enfants. Ouais, et en fait, la voisine venait toujours frapper chez ma mère, en fait, et elle essayait de s'incruster chez ouais, moi. Ouais. Et en fait, un jour, elle arrive, elle frappe, et moi j'étais. Ma mère. Ouais. Puis elle dit toujours, bah c'est bizarre quand même. Tu veux pas me faire venir chez toi. Puis moi je suis arrivé à 5 ans. Puis parole d'enfant quoi. Je dis bah c'est normal, t'es une alcoolique. Oh ouais. Ouais. Bah. Ah ouais. Mais du coup. Du coup j'ai pris une tarte dans la gueule. Par qui? Ta mère? Par ma mère. Ouais. Ah, et c'est la première fois de ma vie que je me suis endormi en prenant un coup. Ah ouais. Ta mère elle est violente en fait. Bah, enfin elle est violente. Sur ce coup-là j'ai pris cher. Ouais, effectivement. Bah j'avoue que je me mets à la place. Il a pris un coma de 3 ans quoi. Je me mets à la place de ta mère. Tu dois être vachement gêné de ton fils. Mais bah, bon. Les copains dire ça à côté de moi aussi. Ouais mais bon. Attends, marrant, à 5 ans on sort tout ce qu'on entend. Mon petit Alex. Ouais. D'accord avec moi. Ouais. Donc, ok. Donc c'était de là. Non, mais t'as un autre problème peut-être. Bah, j'ai eu un autre problème, c'est chez des auditeurs et des amis personnels. Ouais, qu'il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps récent. En fait. Ouais, on faisait un tournoi pro évolution. Ah bah oui, j'étais soccer. Avec toi, espèce de con. T'étais là, ouais, bah t'étais là. J'étais là en plus. Un tournoi pro évolution soccer, et puis bah, y a la police qui est arrivée. Et puis moi, quand je marque un but, forcément, je célèbre. Ouais. Voilà, c'est et puis pour ça. La police est arrivée, mais il était quoi? Il était 18h. Hein. Donc moi je pensais que le tapage nocturne c'était à partir de 22h. Non, le tapage nocturne est actif à partir du moment où, oui, où tu déranges en fait tes voisins. On l'a su après. Bah ouais, non, mais lui il était persuadé, Alexis, que c'était 22h. Ouais, il y a une époque où c'était à partir de 22h, bah, t'avais un horaire. Mais, il est, ouais, mais là il était 21h, etc. Il était 21h30, etc. J'ai dit non, mais je crois que c'est bon. Et en fait, le gars, en fait, on était surpris parce qu'on a entendu taper. C'est vrai que tu gueules fort quand t'avais machin, puis on avait un peu bu, enfin bref. Et c'est vrai qu'on gueulait un peu fort et on a entendu taper plusieurs fois au-dessus, et en fait d'un coup on a entendu taper, on s'est dit oh, c'est le voisin pour dire qu'il se calme, et en fait non, c'était deux flics. Et puis le flic a dit pouvait dire au chanteur qui a une belle voix de s'arrêter de chanter. Ouais, je me rappelle. Ouais, ouais, ça nous avait un peu énervé. Ça, en fait, c'est pas que ça nous a énervé, ça nous a cassé une soirée en fait. Bah, parce il fallait dans le délire, toi. C'est moi j'ai des voisins, moi je porte mes couilles. Avant d'appeler la police, je vais voir les voisins, j'ai dit bah écoute grand, maintenant tu t'es un peu, ou après la manière forte j'appellerai la police. Appeler la police directement, ça fait un peu technique de chien de la casse, quoi. Il y a Nicolas qui nous envoie un message. Merci à toi, Alex, d'avoir dit qu'il faut se mettre à la place de l'autre, qu'il faut se remettre en question par moment. Voilà, donc merci à toi, Nicolas. Par rapport à tout à l'heure, handicapé, que je me mets à la... il faut se mettre toujours à la place de l'handicapé. Bah, Nicolas est d'accord avec moi. Voilà. Al, est-ce que t'as des problèmes avec des voisins? Allez, on a. Ah, je suis en plein dedans, là. Ah, pourquoi? Ah, parce que, bah, pareil, je dois avoir deux voisins complètement alcooliques qui ont aucun respect. Et qui font chier. Quoi. Et c'est lui qui dit d'arrêter avec les maladies, je sais pas quoi. Bah non, mais. Alors, t'as alcoolique maladif, mais là t'as alcoolique pour le plaisir en fait. D'accord, ok. Donc quand t'as des voisins qui viennent frapper chez toi, ou. Bah, pas chez moi parce que. Heureusement qu'ils sont jamais venus parce que je les aurais reçus. Ouais. Mais en fait, c'est. C'est très aimable de ta part. Non, ouais, mais. ouais, peut-être pas correctement aussi. En fait, y'a des gens qui viennent d'habiter à côté de chez moi, ça fait 6 mois. Et en fait, normalement, à la base, immeuble tranquille, les voisins qui se disent bonjour, pas de problème. Là, ils sont arrivés, ils foutent le bordel partout, ils ont dépouillé tout le bâtiment. Au point où ils vont piquer les ampoules dans les communs parce qu'ils n'ont pas une thune pour aller s'acheter une ampoule correctement. Ah ouais. Et là, ça fait, bah, ça fait bien une semaine maintenant qu'à n'importe quelle heure où tu rentres chez toi, bah, c'est le bordel, ils se tapent dans la gueule. T'essayes de faire les holas, ça marche pas, t'appelles les flics et bah, quand les flics débarquent, bizarrement, il n'y a plus un bruit. Et ça passe à l'as au niveau de la police, donc... Au bout d'un moment, là, sincèrement, en ce moment, je vais faire un meurtre. Et ouais, là, tout à l'heure, j'ai quitté Alex après un rendez-vous, en plein après-midi, tu rentres et la nana se fait mais péter la gueule, mais un truc de malade. Ça gueule dans tous les sens et soit que t'assumes ou soit que tu sors. Ah ouais, là, mais c'est vraiment, Mais si je sors tout seul, ça vaut pas le coup parce qu'on est 6 voisins sur le palier, il y a que moi qui gueule et ça commence à me faire chier. Ouais, c'est vrai que là, c'est vraiment extrême. Donc là, c'est pas bien. Ah voilà, donc tout est dit en tout donc, cas. Donc ouais, si les voisins qu'elle habite dans une ville, faut savoir qu'elle habite dans une ville là. Son voisin, c'est Johnny Hallyday. Ouais, ah bah j'aurais bien aimé. Voilà, en tout cas, merci d'être avec nous jusqu'à 23h. Moi j'ai juste une voisine, enfin c'est pas méchant, mais c'est une mileuse. Elle mille tout ce que je fais. Ah, c'est une mileuse. C'est la femme à Jean-Louis son accordéon. Ouais, mais ta gueule toi. Il est marrant lui. Non mais si, ouais, non mais elle fait rien de mal, mais elle est juste mileuse. Elle mille tout ce qu'on fait. Parce que quand je suis chez moi, elle mille tout ce que je fais, quand je pars et tout, parce qu'elle est presque cachée derrière une poubelle quand je rentre. Elle le a soir, pas la télé en même temps. Quand je rentre le soir à la radio, non, si, ils ont une télé. Mais quand je rentre le soir à la radio, genre à 23h30, enfin ouais, 23h30 minuit, à ce qu'elle regarde, en fait, elle sait, elle le dit. Voilà. Dédicace à Jocelyne hein, qui nous écoute. On s'appelle pas Jocelyne. On reste avec toi en tout cas jusqu'à 23h. Alex, libre antenne, merci en tout cas d'être avec nous. On sait quoi comme son? Ah, j'adore ça. Parakeet à l'instant avec Save Me. On est là jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous là. Alex, libre antenne, bonne soirée. About to land, after years of joy, life is a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly. Drop my hand, you save me, save me. Shoot me down, blow me down, save me, kill me. Shoot me down, blow me down, save me, save me.

bonne soirée à tout le monde. Le son de Maître Games à l'instant, bouquin, on en direct évidemment jusqu'à 23h là. 21h, 23h. Du lundi au jeudi, Alex libre antenne sur Radio Mix Floor. Va te faire enculer, ça te donnera des couleurs. Everybody, on est ensemble jusqu'à 23h en tout cas. Merci de passer la soirée avec nous, ça fait grave plaisir. On est ensemble, on bouge pas. Il y a Al qui est avec nous ce soir en direct évidemment. Il y a Tonton Mani qui est avec nous également. Toujours, toujours. Il y a Ben évidemment qui est avec nous. Le classement des sites les plus visités de France, à votre avis, le premier c'est qui? Enfin, on va commencer par le, ouais, le premier, c'est qui à votre avis? Jackie Michel. Non. Je parle pas en catégorie porno, parle en site le plus visité de France. YouTube. Radio Mixplore. Non. Bah, Facebook, les gars. Ah, bah oui, c'est vrai. Facebook, le site le plus visité de France. En deuxième, votre avis? Twitter. Même pas. YouTube. Non, Snapchat. Même pas. Non. Mais Snapchat, ils Instagram. Ont pas de site. T'es con ou quoi? Instagram. Mais Instagram, ils ont pas de site. Enfin, si, ils ont un site, mais bon, c'est pas. Les replays, TF1, on est. Je parle pas d'application, je parle des sites internet. Ah, pardon, pardon. Autant pour moi. De quoi? Les replays internet. Non, non, non. Wikipédia. Le deuxième site le plus visité de France. Le site le moins fiable du monde. En troisième, c'est Le Bon Coin. En quatrième, YouTube. Putain, moi j'aurais cru YouTube ouais, bien bah avant. Moi aussi, ouais, c'est clair. En cinquième, alors c'est le truc total hallucinant. Programmetélé.net. Ah, c'est ce que j'ai comme application. Vrai, tout le monde le fait. Tout le monde c'est le fait. C'est le cinquième site en fait, le plus visité de France, imagine. Ça me regarde même pas, en fin de compte, c'est quand on n'y pense pas, mais c'est pas étonnant. Ouais. Qui fait pas ça, enfin qui n'a jamais fait ça à 20h Ouais, c'est clair, ouais. Point foot vite fait là. Le match est fini entre Lens et Orléans. Lens est imposé 4-2. Ah, ouais. Ah, tu te gueules comme ça, ça sature, putain. Le PSG s'est imposé 3-0. Ouh. À 3-0. Et Séville, Real Betis, la mi-temps est toujours 0-0. Ok, ok. Après, il y a en 6ème place aussi, aux autres découvertes, Halluciné. Le truc de Gaumont, hein. C'est Gaumont ça qui fait ça? Non, non, c'est général, c'est Halluciné. Et en 7ème seulement, Twitter. De ouf, ça m'étonne pas, Twitter c'est pas non plus. Après, je parle pas de l'application, maintenant tout le monde est sur mobile. Ouais. Je parle bien du site internet. Oui, bah en fait, c'est ça. En fait, même site internet, pourquoi... Twitter. Ouais, bah, après, c'est pour ça que Twitter il est aussi loin que ça, je pense. Parce qu'en fait, tout le monde a l'application iOS ou Android en fait. Donc, bah, c'est après, tout le monde a l'application Facebook, c'est pas pour autant qu'ils sont poignés quand même. Hein. Bah oui, mais sur Facebook, pourquoi? C'est parce que les gens qui ont plusieurs comptes, ils ont l'application plus une page web. Alors que sur Twitter, c'est pas pareil. Ouais, ouais. Je pense que ça y est pour quelque chose. Tout est dit. Voilà, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. On va se réécouter peut-être hier si vous avez loupé, hein, pour ceux qui nous écoutent que le mardi. Si vous avez raté hier Bruno Pervin, on va pas se réécouter évidemment totalement, mais on va se réécouter juste au moment où il jouit, pas qu'il jouit, mais qu'il fait des bruits d'animaux. C'était hier. C'est moi le chien. C'était miaou, miaou. C'était un très très bon moment de radio. C'était Bruno le pervers, c'était hier soir. On se réécoute là. Charlotte, excuse-moi, ça a coupé, j'avais plus de réseau du tout. Ouais, m'en doute chez quelqu'un le réseau. Parce que je me suis demandé pourquoi ça avait raccroché et bizarrement j'ai plus rien entendu quoi. Excuse-moi. Bon. Donc t'en étais où? Que je te laissais. Ouais. Ah, parce que moi je suis resté tout nu du coup, toute nue. Et Et voilà quoi. Donc là j'ai commencé à. Dès que je t'ai rappelé, je commençais à me doigter un petit peu pour être sûr de revenir où on en était, quoi. Tu peux continuer à me chauffer un petit peu pour je mouille encore un petit peu plus. Ouais. Tu peux la faire grandir encore plus, hein. Ah ouais. Là, t'es en train d'imaginer qu'avec moi, que je suis en train de t'embrasser partout, que je te caresse à ça, que je te rentre déjà deux doigts dedans, que je fais bien. Ouais. Et tu peux accélérer un petit peu? Ouais. Puis après, je te mets trois doigts, puis après, je te prends le vrai. D'accord. Vas-y. Tu cries, tu jouis, tu aimes ça. Tu peux accélérer encore un peu plus? Oui. Si t'es passé. Vas-y. Vas-y, je te défonce à fond. Avec ma grosse queue. Ah oui. Tu aimes ça? Prends-moi le vrette. Ah, je te prends le vrette, là. Je te défonce à prendre le vrette. Ah ouais. Encore. Et tu aimes ça. Oh oui, j'aime ça. Et encore plus fort. Tu cries encore plus fort, plus fort. Ah. Tu jouis en plus. Ah. Et tu aimes ça. Ah, et si. tu veux que je prends ta bouche, tout ça, tu me laisses jusqu'à la dernière goutte, tu avales tout. Ah ouais. Fais-moi tes bruits d'animaux. Ça m'excite. S'il te plaît. Allô? Ouais, je suis là, je t'écoute. Oui. Je disais, j'ai un petit fantasme aussi, c'est qu'on fasse des bruits d'animaux, si tu peux. Juste pour m'exciter encore plus. Oui, vas-y. Non, mais toi. Eh ben. Fais des bruits d'animaux. Des bruits d'animaux. Ah, bah, je sais pas lui faire un bruit d'animaux. Bah, le chien, je sais pas, fait quelque chose. Miaou. Ah ouais. Ouf, ouf. Encore. Fais le chien excité. Vas-y, hein, le chien excité. Encore, s'il te plaît. Oh, j'accélère là. J'ai trois doigts. Vas-y. Vas-y, accélère, accélère. Ah ouais. Pas plus. Encore, toi aussi, vas-y. Oh. Oui, bah j'y vais. Je te défonce à fond. Ouais, c'était hier, c'était Bruno le pervers, c'était énorme quand même. On s'en repère demain d'ailleurs, des pervers là. Demain soir, rendez-vous évidemment pour un petit côté. On appellera avec Quentin, on appellera des pervers demain soir, rendez-vous à partir de 21h. Rassurez-vous. N'oubliez pas, jeudi également, jeudi, hein, c'est le jour des défis. On fera des défis, un défi très ouf ce jeudi. Préparez-vous en tout cas les amis, rendez-vous évidemment. Puis si vous souhaitez assister à l'émission, vous pouvez venir dans le public, hein, voir un petit peu comment ça se passe. Alors pour ceux qui nous écoutent un peu partout en France, bah, il faut venir dans le nord de la région, enfin dans le nord de la France, pardon, du côté de Calais. Voilà. On ne dit pas ce qui se passe à Calais, mais en tout cas ici on a une très bonne radio, c'est la nôtre. Et vous pouvez venir assister à l'émission de radio, en tout cas chaque soir. Vous pouvez venir, c'est gratos en plus, de profiter pour voir des gens comme Al, comme Tonton Mani, comme Ben en personne. Et ben venez voir un petit peu les coulisses d'une émission de radio, comment ça se passe. Et ben venez nous envoyer tout simplement un petit message sur la page Facebook Radio Mixfloor. Vous n'allez pas être déçu. Si vous avez des animateurs sur Facebook, et bah, profitez pour leur envoyer un petit message. Merci en tout cas pour cette belle soirée. 23h03, on va se quitter. Et merci en tout cas. On s'en rejoint évidemment dès demain, 21h. Mais avant ça, 20h, le before avec notre ami Kev. Qu'est-ce que vous allez faire comme un petit tour de table à chaque fois? Vous allez faire beau votre soirée? Je sais déjà ce que Ben va me répondre. Hein, mais je demande à Toto Manier pour le. Je vais aller geeker. En premier, qu'est-ce que tu vas faire de beau ta soirée là? Tu vas te coucher, je pense. Non, je vais aller faire quelques matchs de PES en ligne et je vais aller me coucher parce que demain je dois m'occuper d'enfants toute la journée. Ah, il bosse une crèche. Ah non. Il bosse dans un centre aéré. Non plus. Ah là là. Il bosse dans un club de foot. Exactement. Ah monsieur. Voilà. Tu t'occupes de gosses à quel âge? Bah en fait, je m'occupe de gosses de 5-6 ans pour tout ce qui est joueur et puis après, je m'occupe de tous les gardiens de tout âge. Voilà, si vous en apprenez un peu plus sur ma vie. Est-ce que t'as fait la mise à jour UI 10? Non, mais à ce qui paraît, elle pue la merde. Non, elle est bien apparemment. Ah bah moi je vais la mettre à jour après la radio, moi je rentre au soir. On m'a dit que c'était beaucoup de petits gadgets pour pas grand chose. Ok, tout est dit. Merci. Al, tu vas faire quoi de beau ta soirée? Ah ouais, attends, je vais faire un petit info. Excuse-moi, je vais faire un petit info parce qu'on m'a envoyé par message privé. Non, mais pas de soucis, vas-y. Est-ce que tu peux dire que Fabien, alias Didi Netek, hein, entre chaque soleil, c'est un gros coquin? Parce qu'on m'a envoyé un imprimé écran. Attends, on voit un grand imprimé écran où c'est marqué Fabien aime ça et il aime la page de Jackie Michel. Oh. Kevin RD qui a envoyé ça, non? Ouais, ah ouais, c'est ça, il m'a envoyé ça, gars. C'est marqué Fabien, tu sais, au-dessus là, il s'est fait griller comme une merde. Et c'est marqué, tu sais, c'est sponsorisé la page Jackie Michel. Et du coup, c'est marqué Fabien. Donc voilà, Fabien, j'ai pas le temps de t'appeler, mais je te le dirai. Bon voilà, c'est notre DJ coquin. Oh, ah, j'avoue que t'as l'air con là. T'as jamais vu les mecs sur Facebook qui se font griller en marquant, tu sais, aime la page sexe brutal? Bah oui, moi j'ai même déjà vu des soi-disant amis qui ont liké des pages homosexuelles alors que j'aurais pas mis un euro sur ces personnes et pour avoir des attirances. C'est pas Ben? Non. Non, c'était pas Ben, non. Ah, c'est pas moi non plus, c'est moi sûr. Hein. Et puis ouais, c'était pas Ben non plus pour la page Dictionnaire français. Ok, ah, tu veux faire quoi de mode ta soirée? Bah écoute, je vais me poser en mode tranquille devant la télé. Laisse branler. Esprit criminel. Laisse branler. Ouais, je vais me branler si les voisins ils font pas le bordel. Ouais, c'est clair. C'est bon, je suis assez après maintenant. Parce que se branler sur un mec qui frappe sa femme, c'est chaud quand même. Ouais, au pire de l'expression, tu vois ton bite et ta bite et ta couteau. Je connaissais pas cette. Là, franchement, elle était pas de circonstance, bah, l'expression. Si t'es en train de se branler, il prenait sa bite et puis son couteau, du coup. Non, c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est pas grave. Va faire un tour sur la roue souci avec Ben. Faire un auto-yol, toi. Ah non, mais bon, le genre d'expression qui n'existe pas non plus. C'est lui qui disait ça, c'est Tonton Manier. Elle existe, mais c'est genre quand tu vas à l'aventure. Sans aucun objet, tu dis bon, j'y vais avec ma bite et mon couteau. Non, mais là, il veut que j'aille défoncer mes voisins avec ma bite et mon couteau, quoi. Ah non, mais là, ça marche pas, là. Ça, c'est l'expression, ça marche pas. C'est pas grave. Ben, tu vas faire quoi de ta soirée? Bah, je vais rentrer, je vais me poser devant la play. Ok. Mais déçu de FIFA, donc. Ah, tu vas jouer à quoi? Rainbow Six. Oh, mon sexe. À chaque fois, ça fait penser à un robot. Tu claques les portes. On entend tout ici, en cette bordel là. Bah, tiens, tu peux le chercher vite fait là. Est-ce qu'il est là en direct? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe dans le couloir là? On va pas dire son prénom. Ah, il y a des gens qui travaillent ici très tard. Est-ce qu'il peut passer vite fait en direct? Vas-y, on va voir si il est dispo. Là, il est parti déjà. Il a pas que ça qu'à faire. Il a entendu. Il faut que je parle, je me casse. Ah, c'est ça, ouais. C'est le commercial de la radio. Bon, ça gueule plus ici. Et putain, il a fini 23h05. Je dois le payer les heures sup, hein, pauvre con. Bon, allez, merci en tout cas. Bonne soirée en tout cas. On se rejoint dès 21h02 demain avec Alex Libre. Merci à tous. On se rejoint lundi. On se rejoint un peu. Ouais, attends, est-ce que je vous ai dit? Je suis au bout du rouleau. Tu le dis tout le temps, ça. Ah, excusez-moi. Ben, on se rejoint dès demain, toi? Ah, tu regardes, excusez-moi, on se rejoint demain. Ah, c'est Al qu'on rejoint dès demain. Ah, demain, ouais. Demain. Demain, on se rejoint avec Al. Il y aura Quentin demain, il y aura Jojo. Bref, en tout cas, rendez-vous demain dès 21h. Demain, le retour des pervers, on a le retour de Avez-vous Chantal. Reste avec nous, en tout cas. Si vous voulez réécouter un petit peu l'émission, etc., bah, allez sur le site partenaire podcast non officiel pour réécouter l'émission et puis aller sur notre chaîne YouTube pour écouter les meilleurs moments de l'émission. Merci et en tout moi cas. Je suis là lundi peut-être, mardi sûr. Ok, bah, tu fais le planning d'avance. Lundi peut-être, mardi sûr. Je fais un peu ma pub pour mes amis qui m'écoutent. Ok, bonne soirée à tout le monde, à demain. Ciao, ciao, ciao. Bonne soirée, ciao. Salut. Bisous. Salut les gens. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Don't you need it's your kind. First I promise if you let me go, I'ma do your right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till I be alive. Quand est-ce qu'on s'endort? La la la la la la la. Quand est-ce qu'on s'endort? La la la la la la la. Quand est-ce qu'on s'endort? La la la la la la la. Quand est-ce qu'on s'endort? Quand est-ce qu'on s'endort? Dans ma tête, ça fait ramba pa pam pam pa pam pam pa ga zum zum zum zum zum zum zum. Ramba pa pam ramba pa pam pam pam zum zum zum zum zum zum zum. Ça fait ramba pa pam pam ramba pam pam pa ga zum zum zum zum zum zum zum. Ramba pa pam ramba pa pam pam pam. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Sombre à qui sur elle. Comme les coups de rein sur la musique faisant.